Fait que la dernière fois que ça s'était passé, on a tué trop. Ouais, vous aviez gun down du monde qui avait l'air d'être des mow down. Fait que pour très bien commencer ça, je vais demander des sand rolls à tout le monde. Ah, je l'ai! Parfait. Tu peux te mettre une coche dans Violence. Je comprends pas! Je veux dire, j'ai 28 de sang pis je l'ai eu! Étais-tu was Finley drunk? Oui, oui, j'ai commencé à boire un peu. Ben, je suis pas drunk. Ok. Mais tu sais, je suis. Mais on peut faire comme la dernière fois, c'est comme un plus 10 temporaire de sang pour un moins 10 ou. Non, pas de quoi là. Pas de quoi là. Il n'y a pas eu un drink pour être feeling, juste être à l'aise. Ok, c'est parti. C'est juste parce que tu t'es rendu à 28 de sand. Si jamais tu veux te booster, tu me le diras. Si jamais. J'efface-tu les sand loss this game session? Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours ma flasque si jamais je veux. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis. Moi, je considère que t'as comme un espèce de never ending supply. Oh, je n'ai pas parlé. Moi non plus. Sinon, vous perdez un. Un. Le truc qui est marqué violence, là, t'as une coche, tu peux l'effacer. Well on the way to not be associated with that anymore. Parce que dans le fond, pour devenir immunisé à une catégorie, c'est faut que tu réussisses 3 sand checks de cette catégorie-là de suite. Puis là, tu parles du charisme. Ouais. C'est bien, tu sais, il y a tout le temps un. Quand je veux, ça se balance. Ouais. Faut que j'ai 10 de charisme. Hein. Ça devenait hard. Moi, je suis plus sturdy physiquement, par contre, là, avec la nouvelle. Ok. La nouvelle stat. Fait que. You're in the hallway, it's still smoking from all the gunfire. Puis par le gunfire, je veux dire les 35 balles de Mac 10 puis les 20 balles de Thompson puis la unique balle de Abel. Je pense que Finnew, s'il y avait. Ouais, j'ai mon medium pistol. Un shotgun qui a achevé la fête. Ouais. Roll and. Ça a attiré l'attention du monde, on va dans le couloir. C'est toujours aussi eerie, le silence revient, le smoke clears, il y a des gens, des shell casings partout par terre. There's three dead bodies. C'est insane! Leur sang commence à être absorbé par le tapis. Là. Avant que ce soit complètement tout splash, je commence à fouiller les bodies. Tout du loot de corpse. Hey, good. Ok, je vais te demander Moi, je police, mais mon brass. Tu ramasses toutes les shell casings. C'est énormément de shell casings. Je vais te demander un luck roll, Laurent, s'il te plaît. Luck, c'est power times 5. Power times 5. Nope. Tu l'as pas? Nope. Malheureusement, le Thompson submachine gun a été endommagé pendant le gunfight. Ah. Parce que malheureusement. J'ai quand même tiré 35 ouais, si j'allais dire. Johnson a mis à peu près 35 balles dans le dos qui avait. Eh oui, il était jamais fait. So yeah, that's done. You do pas get. Pas faire des ouais, tu peux le faire toi-même. Il y a juste un shell casing. Il est endommagé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, tu sais, à moins que tu veuilles comme un soupe, là, il y a pas vraiment. Il y a un portefeuille avec 10$. Tradition era money, genre. Ben, je le prends et je regarde la date des dollars juste pour voir. Ouais, ça a été imprimé dans les années fin 10, début 20, dépendant des billets. C'est tout des 1$. Tout des 1$, je les garde. Hey, écoute, tu fais mon risque, c'est des antiques, ça vaut pas. Ça, tu peux les vendre sur eBay. Ben, c'est ça, je peux vendre sur eBay. Il y a ça. En 98, oui. Il y a un Webley Revolver avec 6 balles dedans. Oui, Il y a un sap. T'sais, c'est juste comme un sap, nice. Un petit bout de cuir avec comme du LED à l'intérieur. Yeah, collapsible stick. Non, c'est ça. C'est aussi un blackjack. Puis là, t'sais, quand tu dis que tu loot les corps, c'est comme tu veux, tu prends genre son pocket watch puis ça. Genre sa bague, là. Moi, je sais qu'ils sont encore vivants. T'es pas autant un vote. Non, they're quite dead. Ça dépend, la bague est-tu exceptionnelle? Non, c'est juste ça, c'est une bague. Je garde la pocket watch quand même. J'ai-tu le monde? Ah non, c'est pas. Il y a pas de swagger. J'ai le monde de boss. Le bossman, il y a pas de swagger. Il y en a checké un des gars. Là, il y a les deux autres corps. Si vous, dans le fond, pour toutes les deux autres, là, pour le résumer, il y a deux autres Webley Revolvers, deux autres revolvers bien normales. Donc, un que vous savez qu'il y a une dot dedans parce que le gars, il avait crit fail qui s'est pas parti. Il y a un shotgun qui n'a jamais été utilisé. Le hameau, il est compatible avec le mien. On va faire un lock roll Ça s'appelait un trench gun dans le temps. Non, c'est pas le même calibre. Ça fit pas. Mais vous avez un shotgun avec 5 balles. Je pense que ça s'appelle un trench gun dans le temps. Mine's better. Non? Il y avait pas la Thompson. Il y a pas la Thompson. Ouais, mais là, il est. Ah, il a pété la Thompson. Mais t'as-tu. C'est ça le premier d'emploi. T'as-tu comme armorer ou. Ben, moi, je te donnerais firearms à moitié. Oh, crit. Crit? Alright. Si tu donnes, mettons, on va dire, une demi-heure avec juste des super basic tools, là, comme genre un pocket knife ou un morceau, tu pourrais arranger le Thompson. Je le fais. Hey guys, je veux juste prendre une petite demi-heure et faire ça. Je reste assis sur le bord de la porte puis je check le hallway. C'est bon, parfait. Toi, tu montes parce la garde. Parce que je suis encore nervous. Lui, il répare son... Fait qu'on va enlever deux willpower à tout le monde. Qui veut hériter du Thompson? Ouais? Alright. Il n'y avait pas d'autre spare à vous. Transportez pas un autre drum de plus dans votre poche. On va continuer de l'explorer, mais bon. Passez une demi-heure pendant que Finley Fiddles. Pendant que Finley Fiddle avec le Thompson, il réussit à l'arranger. Bon, il est un petit peu wobbly, là. Il risque de pas te faire bien longtemps, mais tu sais. Il a 30 balles. Il est tourné dans la main quand même. On verra. I guess we'll know when you use it. Hey, j'ai pas eu crit. Non, non, il a crit, fait qu'il ne pas exploser dans les mains, mais tu sais. Ça reste que c'est un. À moins qu'il crit fail. À moins qu'il crit fail. À moins qu'il crit fail. So, what do you guys want to do on the sixth floor? On the on avait-tu une map? On avait-tu une map? Non. Non, mais je veux dire une map dans notre tête. Ben, à date, si vous avez une map dans votre tête, elle n'était pas très très reliable. Je sais pas, voulez-vous essayer de double back sur vos pas pour voir? Ben, ça fait comme 5 minutes, 10 minutes qu'on est passé par là. Je me rappelle plus trop de quoi ça. Dans le fond, c'était. On a tourné genre un ou deux points. C'était un couloir en L. C'était juste sur l'étage. Ouais, pour l'instant. Okay. Au bout, il y avait une porte que vous aviez ouverte parce qu'il y avait genre une espèce de fat guy qui runnait away. Couloir, en fait. Oui, excuse-moi, oui, ça faisait un loop. Ça un loop, c'est ça. Au bout du couloir, il y avait une porte où est-ce que Finley avait couru après un fat guy. Ouais, puis c'était une cage d'ascenseur. Puis c'était juste là, justement, que les gangsters étaient sortis d'une pièce. That's pretty much it. Il y avait deux autres portes dans le couloir que vous êtes allé. Il y en a une où est-ce que Finley avait trouvé une photo de lui. J'ai regardé ça pour moi. Avec une bouteille. Ça pour puis dans l'autre pièce, il y avait du sang partout, puis il était marqué, il y avait quelqu'un qui avait écrit sur les murs avec du sang « Where's my bottle? » Vous pouvez double back sur vos pas, vous pouvez... On était là ici à la base pour trouver la chambre d'Abigail. Ouais. Puis on l'a pas trouvé. Fait comme je disais, il y a la porte au bout qui avait une cage d'ascenseur qui était comme vide. Il y avait la pièce avec la photo, la pièce avec le truc écrit sur le mur. Le truc écrit sur le mur, c'était la pièce où on entendait baiser, right? Ouais. Mais quand on ouvre la porte, il n'y avait personne. Exactement. Il y avait juste du sang partout. C'est la pièce où est-ce que. C'est aussi la pièce où est-ce que Abigail est supposée être selon nos calculs. Non? Non, pas nécessairement. Parce qu'il n'y a pas de numéro sur les portes. Non, c'est F10, c'est ça? Vous êtes allé un petit peu à peu près random. Il y a la pièce d'où est-ce que les gangsters viennent de sortir. Ça, vous n'êtes pas allé là. Sinon... Mais en même temps, F10, c'était peut-être un storage dans le sous-sol. All that time. Tout ça pour rien. C'est peut-être aussi une fonction sur un clavier. J'aurais pas été un dick à ce point-là. What's the next move? What, should we shout like Laura all over the place to see where we can find her? Maybe. Might work. Vous promenez en criant son nom. Laura! FBI Investigation 101. That is best. Tu fais juste crier le nom de la personne. Hey, I'm not FBI. It's the oldest trick in the book. Comme je dis, là, ça vous autres d'être... We could check out the place where these guys came from. Let's do this. Alright, parfait. Ben, la porte est déjà comme entrouverte. Who goes first? Who opens it? Who's the doorman? I go first. Ah ouais? All right. Fine. Okay. Okay. Fait que ben, t'ouvres la porte. Plein que la porte. Qui rentre. La porte a fait... C'est une autre chambre comme la plupart des chambres que vous avez vues jusqu'à date. Ça fait un petit peu style hôtel, là. Il y a du papier partout. Comme si, mettons, il y avait eu, genre, je sais pas, des stacks de papier, puis qu'il y avait eu un courant d'air, puis qu'il y avait eu du vent, il y a genre, there's paper everywhere, there's paper on the bed, on the floor. Le seul autre immeuble, à part le lit, qui est comme un petit lit gentil qui foldade dans le mur, il y a un desk sur le desk. Un Murphy bed, thank you. On the desk, il y a un Remington typewriter. Il y a un typewriter avec une feuille dedans. Ah oui, c'est comme les typewriters dans Resident Evil 4. Je peux pas. Ben, c'est les seuls points. Ça se peut. Fait qu'il y a un typewriter, puis il y a une autre petite porte sur le côté qui est fermée, qui est probablement la porte de la salle de bain ou peut-être qui mène ailleurs. Ou en tout cas, il y a des fenêtres, les rideaux sont tirés. And that's pretty much it. Sont-tu blancs, les papiers? Ceux par terre? Ouais. Non? Ouais. J'en examine un. Oh, ouais, c'est des blank? Blank paper. Tout, ben, en tout cas, ceux qui ont l'air d'être à terre, si vous commencez à rummage, ouais. Là. Sur le lit? C'est peut-être la chambre du chien, guys. Sur le desk? Sur le desk, ben, dans le fond, il y a une feuille qui est dans le typewriter, puis il y a déjà du stock d'écriture. Là. I look at it. OK. Scene. The smoking lounge. A large parlor on the fourth floor. In the room are Louis, Roger, and Michelle. Enters Bébé Milhouse. Bébé's dress is damp with blood, radiating from her abdomen. Bébé, smiling. Another satisfied customer. Michelle. Looks like you had an accident, Bébé. I warned him not to go too deep, but he didn't listen. Nothing he won't survive. Louis. When is it going to be my turn, Bébé? When you get off your fingers. Enter Thomas, out of breath. That Langford guy is getting to be a real pain. I had to ditch him on the sixth floor. Michelle. I feel sorry for him. He should find a nice room and just settle, you know? Thomas. The asshole creeps me out. The night manager walks past the open doorway. Louis. He's been restless today. Thomas. It's those feds. The super isn't happy with them poking around here. Bébé. Has anyone invited them up here? Groans from the others in the room. À côté du typewriter, il y a genre un gros ashtray en verre avec plein de botches de cigarettes dedans. Pardon? Ouais, merci. And yeah, that's... Comme est-ce que l'encre, fait, comme est-ce ça? Que l'encre est fraîche? Are you a typewriter specialist? Ben non, mais je passe mon doigt sur les dernières lettres du bas. Non, c'est pas fait automatiquement pour que ça... Juste rapidement sur les derniers, juste pour voir. Ben, ça a pas l'air de smudger. OK, c'est bon. Juste au cas où, pour me freak out plus. Donne-moi C'est fait de même, les types. Mais c'est-tu quoi? Ça... Je vais demander des alertness à tout le monde. Good call, good call. Nope. Nice. And not at all. Nope. Il y en a juste un qui sonne plus proactif. Je l'ai! Il y a... Tu prends le ashtray, puis en tassant les botches de cigarettes, il y en a une qui est encore un tout petit... Elle est pas encore allumée, mais elle est encore, tu sais, comme ça, elle venait juste d'être... Il y a plus de fumée, mais... Il y a quelqu'un qui toquait dessus il y a probablement pas très longtemps. There was somebody here recently, guys. Mais... Yeah, those three guys. Mais ce qui est... Ouais, c'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que c'était il y a une demi-heure, ça. Là. Puis comme ils sont sortis de la pièce, puis la porte était ouverte, mais il y a encore une... Tu sais, comme... Fait que y a-tu quelqu'un qui, pendant cette demi-heure-là, a décidé qu'il se fumait une smoke dans la pièce? Moi, je montais la garde, puis il y a personne qui est passé un coup. Non, c'est vrai. Gentil n'a pas vu personne passer. Weird. So there's that. As is everything in this freaking place. Mais, ouais, si vous. Comment je peux dire? Des. Nope, that's it. I'm not gonna say anything else. Je vais pas trop vous en donner, là. C'est. Typewriter, paper, you found another page. Paper. Et oui, c'est, ça semble venir tout. Ça, c'est comme si c'est le même genre d'écriture que les pages que vous aviez déjà trouvées. C'est toujours le creep du night manager qui semble passer, on dirait nowhere, là. Y'avait-tu d'autres pièces? Y'a-tu encore d'autres portes qu'on va voir, qu'on a pas mal? Vous pensez qu'on pourrait, genre, s'écrire une partie de la pièce, nous autres aussi, guys? Genre, the feds find Abigail. And they get the fuck out. End of story. They live happily ever after. No, happily ever after. The building never comes back. End. Worth a try. The king in yellow doesn't show the fuck up. Ever. I'm not typing it. The man in black never shows his face again. I'm just pitching. I'm just pitching. King in yellow. Non, mais lui fait une référence au... Non, the black man. C'est pas le man in black, c'est le black man. Ben lui, il l'a shooté de même. Moi, je fais comme... Hey, that's actually a good idea. J'essaye, puis je me mets à taper quelque chose. Parfait. Mais qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que j'ai écrit? T'as écrit qu'est-ce que moi j'ai dit, genre, pratiquement... Chapter Harrowing Tale on the... of horror. Scene. The room with the typewriter. Abigail enters the room. Là, Abigail. Mm-hmm. 2 points. And kisses the... Abigail. The right, right there. My hero! And they begin a foursome. I want to get out of here. Oh my god. The three agents look up from the typewriter. The three agents look up from the typewriter. The three agents at the same time. Abigail, are you really here? Puis ils s'arrêtent là. She goes into their arms and they go ever after. Fait que tu finis de taper ça, puis ça cite ça cite dans le typewriter, puis le papier est très blanc, puis l'encre est très noire. Ouais, that didn't work. Then I have it. We tried. Je prends la feuille et je la pitch dans la pièce. Moi, je la ramasse puis je la garde en dessous. Ok, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Fait que dans la pièce, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Genre la toilette. Il y a... Ben, il y a deux fenêtres, mais les rideaux sont tirés. You want to open the curtains? Dans la fois qu'on a fait ça, on a juste vu une autre pièce. C'est vrai, hein? Why not? Open the curtain. Curtains. Moi, je regarde pas. C'est genre qu'il va fourrer les rideaux, puis Justin est juste. Non! Je me retourne de bord, je regarde la porte d'entrée. Tu peux pas voir à la porte? C'est de la brique. Tu ouvres les rideaux, puis c'est juste un. Il y a comme un mur de brique Matrix. Derrière la fenêtre. Oh. Matrix style. Est-ce que tu ouvrais l'autre rideau? Confirmation. Let's go. Yeah. Ça a l'air de la même. Il n'y a pas d'espace là, comme entre la fenêtre. C'est littéralement comme. C'est comme s'il y avait un mur et qu'il avait juste construit une fenêtre devant. Là. Mm-hmm. En tout cas. Which is dumb. De ce que ça a l'air. Porte de toilette. Ouais, la porte de toilette. I open it. Ok. Elle est coincée. J'utilise ma force. Ouais, ok, ben vas-y. Est-ce qu'elle s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Elle s'ouvre vers l'intérieur. Ah, en fait, c'est pas la défoncer. Ben, à la limite, ouais. Ben, c'est dans le sens des. Mais vers l'intérieur de la toilette. Ouais, c'est vers l'intérieur, moi. Non, non, non. Je la défonce avec un astic coup de pied. Ben, vas-y pour ton. C'est quoi, c'est strength? Times 5? Enfin, moi, je pense qu'il roule à 90 en temps. Ouais. Ouais. Tu vas probablement te réveiller dans un matin avec un petit bruise parce que tu rentres dedans vraiment fort. And it should break. Mais c'est avec mon pied, je donne un kick. Oh, ouais, mais. Ok, tu kick très fort dedans. Je revole. It should break. Comme tout le monde est un petit peu surpris parce que d'habitude ça marche du premier coup quand Finley fait ça. Ouais, ou sinon, c'est arrivé une fois qu'il l'a fait puis son pied est passé à travers la porte, mais la porte elle a pas ouvert, puis c'est vraiment awkward là. Mais ça, ouais, ça, ça, ça arrive des fois. Ben, tellement. C'est pour ça que dans, sur une porte, faut que tu kicks au-dessus de la serrure parce que si tu kicks dans la porte, il y a juste des chances que ton pied passe à travers puis que la porte elle reste. Anyways, physics. Fait qu'il kick la porte, puis. Mais je le sens que normalement j'aurais. Ouais, ouais, t'aurais dû passer à travers. Est-ce soit qu'il y a un meuble derrière very ou qu'il sturdy. Est plus sturdy qu'est-ce qu'elle a l'air. J'ai demandé du awareness à tout le monde. Awareness. Ouais. Awareness. Ouais. Ça va vite, t'as mis. You got the boss of me. Go ahead, move! Est-ce que c'est le contour de la porte ou le mur au complet? Il y a comme, on dirait que le mur au complet craque un peu. Awareness, c'est ça? Alertness? Okay. Yeah. Le mur craque? Ouais, comme ça. T'as l'impression que on dirait que le mur a comme craqué en même temps que t'as comme kické la porte, comme si le tout voulait partir avec. Je donne un autre coup. Tu donnes un autre coup dedans? T'es sûr de ça? Ok, c'est bon. Vas-y, va le demander encore. Je m'éloigne un peu. Ouais. Ouais. La porte, elle bouge pas, mais il y a comme de la. C'est pas nécessairement de la poussière, c'est peut-être de la poudre de plâtre, quelque chose. Tu sais, comme le seam au-dessus du mur, qui ça tombe un peu. Ouais. Like, comme again. Si c'était une façade. Je regarde les deux autres gars. Let's do this. That's the first breakthrough we've had in a while. Let's try it. Un autre! Let's go. Les trois menteurs. Bam! Non, mais moi, je suis en arrière avec mon Mac 10. Ouais, comme sur les coins du mur, ça craque, puis tout le mur au complet part avec la porte. C'est comme si c'était un seul panneau. Ça tombe, mais là, qu'est-ce qui est plus weird, ça va demander des salaires à tout le monde. Les deux murs sur les côtés aussi, dont le mur où est-ce que vous venez de rentrer, t'sais, vous étiez passé par la porte, t'sais, maintenant que la pièce a fait. Ça s'abat, là. Attends, je vais te montrer. Ok. What? Comme ça. Just what? Notre compréhension du. Les fenêtres sont ici. Ok, ça c'est la porte qui était comme barrée. Ça c'est par où vous êtes rentré, ok? C'est un mur le tombe. Mais c'est un mur le tombe aussi. Il reste juste le mur. Il reste juste ce mur là. Ça c'est où vous étiez dans le couloir, là, comme les gangsters sont morts ici. Ça tombe sur le mur. Okay, mais le mur de briques qui tombe, ça veut. Ça tombe, tout tombe vers l'extérieur. Tu sais, comme une. Tu sais, comme quand tu construis mettons, un petit cube en papier puis tu le déplies, là. Okay, puis qu'est-ce qu'on comme voit? Une boîte. Ça se déplie comme ça, puis je vais demander un sand roll parce que. Oh, je l'ai! Là, ça va être un. Great. Guess what? You don't? Did not get it. Ça va être un des trois, s'il te plaît. Tu peux le lancer pour moi, s'il te plaît? Il y en a un là. Un! Merci, Claude! Tout le monde perd un. Les murs qui tombent alentour de vous, tu sais, qui étaient comme faits en plâtre, puis en briques, puis comme solides, tout d'un coup, ils ont l'air d'être faits comme en plywood, puis vous êtes sur une scène, dans le fond. Le mur en arrière de vous, ça ressemble à être comme un décor, puis il y a une salle devant vous avec comme... Ben, tu sais, parce qu'il y a des projecteurs de lumière qui vous éclairent à vous, fait que c'est quand même dur de voir dans la salle. Pas, mais il y a l'air d'avoir du monde. Il y a l'air d'avoir plein de, de silhouettes, comme de, tu vois, comme des formes de personnes assises dans une pièce, tu sais, comme qui, mm-hmm. qui vous regardent. Je pogne le Thompson. J'avance. J'avance sur la scène. T'avances sur la scène? T'es vraiment sur une scène, puis t'arrives, tu sais, au bord de la scène, où est-ce que, parfois, il y aurait comme là... Il y a comme de la place pour qu'un un orchestre ou un band soit ouais. là, plus bas pour jouer. Regarde, c'est genre un pit. Puis, ben, encore une fois, c'est juste toutes des silhouettes. Il y a rien, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne. Il n'y a pas l'air d'avoir de face, genre, c'est comme blank. Ben, c'est parce que vous avez l'éclairage dans la face. Mais si, ben, si moi, je ça, je m'approche, je bloque un peu. J'ai le Thompson dans une main, l'autre main, je l'utilise pour bloquer. Je suis au front de la scène, je vais la regarder. Comme un jackass comme lui, là, mais je m'en moi, j'ai une arme dans les mains. Moi, je reste tendu, puis je regarde les gars avancer, puis je reste sur place, puis je sors mon MacTen. Ça a tout l'air d'être comme des. Des ouais, c'est ça, comme tu sais, des mannequins de display dans des magasins. Des là. Dummies. C'est juste comme des dummies, là, comme des. En fait, regarde-toi en haut à droite, là. Il y a un petit dummy en bois. Dummy comme ça. Ils sont juste tous assis, ils sont tous identiques, ils sont tous faits exactement comme ça, blank, pas de rien. Fait que là, on a même plus notre porte, ce qu'on est rentré. Non! Nice! Le mur du fond, il n'y avait absolument rien, c'est ça? Il y avait juste comme... Il y avait le lit qui se dépliait. Fait que vous êtes sur une scène. Puis il n'y a plus de couloir à côté. Non! Il y a des coulisses sur les bords. Il y a, tu sais... Okay, moi, je m'en vais vers la coulisse, voir le... OK, ben au bout de la coulisse, il y a une... tu sais, tu descends des petites marches. Il y a une porte en bois bien normale. Là, comme une porte comme quand t'en as vu des centaines. OK, je vais essayer de l'ouvrir, moi. Débarrer. OK, j'arrive-tu dans ça? Tu l'ouvres, ben, elle donne sur un couloir comme tous les autres couloirs que vous avez vus jusqu'à maintenant. Tu sais, le tapis est comme rouge par terre, puis t'as comme tu sais, du papier peint golden. Ça ressemble au building où vous étiez, là. C'est juste. Okay. Moi, je freak out un petit peu. Guys, what the fuck is going on? J'essaie de voir les spotlights qui me visent moi en ce moment. Mais mm-hmm. ben, c'est pas des spotlights qui bougent, c'est juste qu'ils éclairent la scène. Ah, ben, c'est ceux qui éclairent où est-ce que je suis. Oui. J'ai shoot down. Ouais, t'es shoot down. Alright, y'a pas de problème. Bah, je veux pas toutes les shooter. Moi, je commence à faire la santé mentale de... Je veux quand même que ça reste éclairé. Ok. Mais je veux comme mieux voir en même temps. Okay. Je veux avoir une meilleure vision. Ben, je me déplace tranquillement. Je veux avoir une meilleure vision de la face. Seriously, dude, what the fuck you doing? Il peut pas s'entendre. Parce qu'il est en train de. Fait que le silence. Comment je pourrais dire? Le silence accablant de la pièce est soudainement brisé par le ratata du Thompson, là. Puis il finit juste debout sur la scène en train de tirer dans les airs. Puis oui, il spawn toutes les spotlights. Ok, finis-moi, je suis là, good show, good show! J'aime tellement juste l'image que je viens de faire, c'est juste trop... Ratatata! Ouais, il est gentil, there's glass showering, puis il commence à faire plus noir, puis okay. Tu vois un petit peu mieux la pièce. Il y a trois sections, il y a un parterre avec deux sections sur les côtés, une au milieu. Puis il y a un balcon au deuxième étage, tu sais, où est-ce qu'il y a d'autres pantins d'acide. C'est comme un filled with dummies. Des pantins. Ok, that ain't creepy at all. Il y a une porte dans le fond de la salle, quelque chose? Au fond de la salle, il y a deux portes, ouais. Hey, Laura! Hey, guys! There are some doors over there! Miss Laura Wright! Tu as juste crié son nom. That trick's never gonna work for them. En fait, I don't want to be meta right now, but you just fucking broke the fourth wall. Literally. You literally broke the fourth wall. Okay. Well, fire me! Earn sand pour Johnson. Parce que ça, c'était malade. You literally broke the fourth wall. Earn sand. Yeah, je reviens à 29. Quand tu te sens full clever, il est comme yeah! Évidemment, il n'y a personne qui répond sur le ligne quand non, je chante. Non, absolument pas. Peux-tu descendre la scène directement après ouais, la salle? Ouais. Ok, puis je jump down. Ouais, je saute de la scène. Ok, je vais demander des alertness à tout le monde. Nice gun work you did there, buddy. juste savoir combien de balles j'ai dépensé. Combien tu vas dépenser? 5. 5? Okay. Il n'y a pas de problème, une balle. Ok. Alertness, non? I'm so not alone. Non, tu l'as. Brièvement, il y a l'air d'avoir peut-être. Il y a peut-être du mouvement sur le balcon, deuxième étage. C'est du monde sur ton balcony. Let's go, guys. Peut-être. Okay, how do we get there? I don't fucking know, but you have a rope or something. Spider-Man! Non. Je sais pas, j'ai de la salle, là. Avec un gravel. Malheureusement, j'ai pas mis mon grappling hook. Well, I got a climbing kit. You got a climbing kit? You got it with you? C'est dans les grosses roches. Yep. J'ai un climbing kit. Surtout alors, comment? Ah ouais. Alright, let's go. Si moi j'ai même mon pharmacology. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner juste comme un intelligence roll? Genre, I can do that. Ouais, c'est une salle. Il y a probablement un escalier pour monter au deuxième étage. Ouais, mais si ça va finir la même affaire que pour les lettres, on va se retrouver à nouveau dans, I'm dans just saying. Cette affaire là. Ok, bon, on explore la place là. You don't have to Spider-Man. Mais c'est parce qu'on peut plus vraiment se fier à tout ce qu'on voit parce qu'on. On est rentré dans une pièce, on a break out the fourth wall, like you said. En suivant l'allée, dans le fond, tu réalises que tu sais, sur les deux côtés, il y a des petits escaliers qui sont comme cachés par des petits rideaux que, tu sais, pour monter au deuxième étage sur le balcon. Là. Ok. I run up one. Ouais. Il n'y a pas de porte à rien. Là. Non, il n'y a pas de porte. Les portes, ça a l'air de nous screw over. Ok, bon, on essaie de monter au deuxième. I run up one. Ouais, ok. Vous arrivez en haut, puis il y a. Captain America, dude. Yeah! Calm down. Il y a. Tu sais, le balcon et dans le fond, tous les sièges sont remplis, sauf un. Je m'approche de celui qui est vide. Puis moi, ben, je spot aux alentours, voir s'il y a d'autres mouvements que je peux voir. Il va y avoir du spot. Donne-moi un alertness à moitié. Half. Ah, je l'ai pas. Non. Je fais un jet track. Un jet track, alright. God, yes. Non, il n'a pas l'air d'avoir rien. Il y a quelque chose en dessous de la chaise, peut-être. Mais je suis en train de m'approcher de la chaise, moi. Ouais. Il y a l'air d'avoir un gros briefcase en dessous de la chaise. Sans dropper mon machine gun, je vais utiliser l'autre main pour prendre le briefcase. Parce que moi, j'imagine filmer avec son Colt de cuir, le shotgun across le Thompson, le cigare. Like the Matrix, goddammit! Le bout de cigare. Oh, mais rendu à quoi? À 27 de Sam, il pense probablement qu'il est dans le Matrix. Nothing is real. Moi, je suis en train d'acter mon personnage. Alright. So what's on that damn briefcase? Okay. Briefcase? Je check est-ce qu'il est barré. T'enfonces ta main sur le siège puis tu le pop. Un bras, un à la fois. En l'apprenant, ça a quand même du, elle a du weight. Là. Okay. Je reste un peu plus loin. Vous êtes l'ouvrir. J'essaie de spotter en bas, voir ce qu'il y a. J'attends que tu mets la briefcase puis Justin recule. Ok, fait que si ça explose, t'es placé en bas. C'est bon. Oui, qu'est-ce que tu disais? Ben, je check en bas s'il y a d'autres mouvements. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres mouvements. Ben, je me rapproche du briefcase. You need help with that? I'm good. You sure? With that Thompson gun in your hand, you can't do anything. Put down the damn Thompson, goddammit! J'essaie de clip open, ça marche-tu? Ouais, elle est pas barrée. J'ouvre les deux, une à la fois, parce que j'ai encore mon Thompson dans les mains. Et j'ouvre la mallette. Ok, il y a plein de petits booklets, à peu près gros comme ça, noirs. La couverture a l'air d'être faite comme en. Pas en velvet, mais en feltre. En feltre. Toi, donne-moi un intelligence roll ou un no roll, éducation fois 5. Éducation? Ouais. Éducation, il n'y a plus d'éducation. Éducation, c'est pas éduque, non, excuse-moi, c'est. Intelligence fois 5, ouais. Intelligence fois 5. Ouais, parce que toi, t'as lu, dans le fond, le livre du King in Yellow. Tu te rappelles un peu de la description. Le dernier printing qui avait été fait du King in Yellow, c'était un petit black felt bound volume. Oh yeah, one of the open doors. Il y en a plein. Comme la valise est remplie, c'est juste ça. Juste ça, rien d'autre? Ouais. Même pas dans les pochettes à l'intérieur? Non, il y a pas. Tu l'ouvres, pis c'est vraiment juste. Tu sais, c'est une valise. C'est une valise. C'est juste comme un cube, pis c'est juste. Okay. Je pense que je vais l'envoyer à ASL. Si on regarde le côté, y a-t-il quelque chose d'écrit? Non. Let me keep it. I'll keep it. Well, we don't keep it. We fucking burn keep it, bro. Non, on va le donner à ASL. Si vous me donnez toutes des intros, je vais vous rappeler un fait. Parce que le veux pas, c'est il y a longtemps. Ouais. Intro, ouais. Quoi, ça fait? Non, mais je vais vous donner un. Int. Ouais. X5? Ouais. Vous vous rappelez qu'il y a plus qu'une personne qui avait mentionné que Laura, ou Abigail, elle préfère que se faire appeler Laura, she moved in on the sixth floor with a sort of a Bible salesman, ou un traveling salesman, ou un encyclopédia, ça. Quelqu'un qui vendait des livres. En se promenant même, avec exactement le type de caisse qu'elle a. Mm-hmm. The Herald. J'examine le briefcase, y a-tu des initiales, quelque chose? Non, c'est vraiment juste un. C'est vraiment juste un super nondescript briefcase. Merci. Puis l'édition des livres en tant que tel, y a-tu quelque chose de spécifique? Y a-tu une année? Toi, tu l'ouvres, là? Ben, j'en ouvrirai, mais j'ai déjà lu, c'est. Tu prends plus de sang! Ça a tout été, dans le fond, non, je peux dire, ça a été printé avec un peu un font qui ressemble au papier que vous aviez trouvé. Tu sais, dans le fond, les pages du place. Fait que c'est soit quelqu'un qui a fait 50 copies à la machine à écrire une à un, comme à la mitaine, okay, ouais. Ou que ça a été fait avec du papier carbone, which is possible. Il n'y a pas de date de. Il n'y a pas comme un copyright de rien. Mais il est marqué que, si dans le fond, c'est, tu loupes, il est marqué. The King in Yellow, a play in three acts, translated from French original story by Thomas de Castaing, 1886. Damn. Ouais. Fait qu'en tout cas. Ok, fait que c'est juste sur une transition. Ouais. Mais y a-t-il l'air d'avoir une édition spécifique? Non! Ou c'est vraiment juste fait à la main comme ça? Juste, c'est l'édition du collectionneur! C'est soit que ça a été. I'm gonna keep the briefcase if you don't mind. I'll ship it to ASL as soon as possible. Yeah! C'est ça! Keep it, but I'm watching you. Peut-être m'en servir pour me défendre contre des Tamptons, on sait jamais aussi. Fait que. Briefcase devant toi. Fait que ouais, c'est ça, vous avez un briefcase avec. On dit qu'il y a, il y a l'air d'avoir une quarantaine de copies. Parce que c'est quand même petit, là. C'est des, comme des pamphlets. Ben, pas des pamphlets, mais tu sais. Des booklets. Ça pourrait être pas mal facile, ça veut dire ça. Fait que, ouais, vous avez une quarantaine de copies du King in Yellow. Ok, so. C'est toi qui apprends. Ah, c'est mon gamin. Puis on pourrait se faire passer pour des salesmen. Fait que c'est ça. Fait que là, du balcon, il y a aussi une, genre une double door avec, tu sais, les belles. Quand je faisais les ornate handles, comme tout en brass, tu sais. Ça fait un peu genre salle de théâtre, justement, des années 20-30. C'est par là qu'on. Non, c'est pas vrai, c'est pas par là qu'on est rentré, on est monté par l'escalier. Non, c'est ça. Fait qu'il y a deux portes en bas, il y a une porte sur le balcon, qui donne toutes dans la même direction. Sinon, vous pouvez rebrousser chemin puis essayer de passer par les coulisses. Ouais, les coulisses, il y a aussi d'autres. Moi, je suis curieux de voir si on va se ramasser dehors, si on va vers l'avant. Ça serait. Bref. Badass move Aragorn, j'ouvre la porte. Comme ça. Puis, je vais de l'autre côté. Ça donne sur un gigantesque. Ça a l'air d'être un ballroom. Le plancher, c'est du carrelage noir et blanc. Il y a des super gros lustres, des super gros chandeliers. Il y a plusieurs. C'est très, très. Le plafond est comme démesurément haut, là. Ouais. Ça descend en bas? Non. Donc, c'est il y a comme quelque chose en. Architecturellement, ça a l'air weird, là. Ouais, effectivement. C'est vraiment la création d'un homme vraiment fucké, on dirait. Que... Fait qu'il y a ça, il y a une coupe sur les côtés, il y a comme des. Il y a des petits. Dans le fond, il y a des tables avec des trays, puis il y a l'air d'avoir de la bouffe, des choses à boire. La première chose que Finley remarque tout de suite, c'est qu'il y a un des murs que ça a l'air d'être. Floor to ceiling mirrors, comme tout le long. La précise! And I start shooting. Shit! I'm shooting off. Tu prends ça, seriously, dude? Ben, je vois. Y'a un. Qu'est-ce qu'on va pas? Catoptophobie! Je vais te. Shoot up with something? Je vais te demander un. I have a train gun, qui m'ont. Un sand roll pour. Johnson, juste pour rentrer dans la pièce et faire ça. Moi, je rentre pas dans la pièce. Johnson, should I shoot this guy? You don't want to go in. No, I want to shoot those mirrors as well. Même pas pour shooter. C'est vrai, I'm the only one. You might see something in the mirror. I have a fear of mirrors. No? Moi aussi, j'ai de la There's a lot of mirrors. You might not have enough bullets. T'as des bonnes raisons, c'est juste. I'm not getting in there, je vais faire la porte. Alright. Nobody's getting in there. Ça va marcher? Good call. Like, non, il est trop terrified pour même rentrer dans la pièce. C'est juste. Il ouvre la porte, il fait. Hey! Oh, non, fuck it. Okay, shall we go another way then? Ben moi je vais rentrer quand même, c'est la première fois. I'm the only one with no crippling fear of mirrors. No. So I'm gonna go in. You don't get it. Look around. Nobody gets in. You're not the boss, buddy. Oh, shit. Go, buddy. You're not getting in there. You can stay just in the door here. I'll do a quick look around and I'll get right You're back. You're not. Il y a une porte qui ouvre. Il y a le bruit d'une porte qui ouvre. Oh, listen. Oh, il y a le bruit d'une porte qui ferme. Où ça? Listen. Pinpoint. Alertness. Triangulate. J'allais pas parler à tout. C'est alertness? Ouais. T'avais-tu l'air de venir du. Ça a l'air du ballroom ou du... Ben, c'est un bruit d'une porte, là. Thanks. Ça, une porte qui sonne Allez. Lourde. Ça vient de, du ballroom. I'm going in. Can you shoot the mirror so we can come? Give me the damn Thompson. Je donne le Thompson. Parfait. Don't know to use it at all, but I'll try. OK, fait que, dans le fond, Devro rentre seul. La pièce est vraiment, vraiment, vraiment grande. Puis, probablement jamais été dans une petite, genre... J'ai l'impression d'être debout en plein milieu d'un stade olympique, là. Tu sais, comme c'est très, très... Oh, oui, c'est très, très grand. Are you gonna go and shoot the mirrors? Man. OK, si tu... détruit tous les miroirs, le Thompson est vide. C'est une bonne utilisation du Thompson. J'approuve de lui enlever le Thompson des mains. Je comprends pas que j'ai un autre j'ai un arsenal encore. C'est pour ça qu'il va m'arrêter. Yeah, ouais, mais ton autre arsenal, t'es guidé. Je te trace un peu plus. Fait que ben Devlo s'approche du miroir là, tu sais. Moi je gagne juste une balle. Non, c'est ça, il s'approche avec le Thompson, puis là il prend, puis ben avant de tirer, c'est ça, je vais faire juste un petit look around pour savoir si serait de où viendrait justement la. Ben il y a une autre, il y a une autre grosse double door au fond de la pièce. C'est ça peut-être, ça l'eau, peut-être de là. Y a-tu, je peux-tu faire un sweet spot pour voir s'il y a la double door sure. Ça fait longtemps que Devlo est rentré puis il se passe not get it at all. Could be dead. Fait que... Je rentre pas dans ce pièce-là tant que j'ai pas entendu des coups de feu. Moi, parce que je peux pas rentrer dans ce pièce-là tant que j'ai pas entendu des coups de feu. Ben, tu sais, sur les tables, il y a plusieurs flûtes de champagne qui sont soit vides, à moitié pleines, tout ça, mais tu sais, ça a l'air de faire un bout que les bulles sont finies. Il y en a une coupe qui a des traces de rouge à lèvres dessus. Il y a de la bouffe qui traîne, qui a l'air sec, pas moisi, mais tu sais, comme à l'heure, ça fait un petit bout qui traîne. Il y a genre des petits canapés qui sont à moitié mangés, il y en a des complets. Comme ça avait été abandonné, genre. Ouais, mais c'est comme s'il y a eu comme un gros party, puis que le party avait juste moved on ailleurs. Ou que c'était un. At the small plan. Un before party, maybe. Ok, bon, ben, je m'en vais devant chacun des miroirs, okay. Puis je suis. T'approches du premier miroir, puis tu réalises que t'es comme en. T'en regardes ta réflexion, puis t'es en tuxedo avec ton. Avec le genre, c'est genre 1920, là. Dans les années folles. Il a pas encore tiré là. Non, non, il y a son gun pis t'as. Je m'admire là, je rentre un gangster genre. Le miroir, quand je l'ai vu, il était-tu genre direct en face de moi? Non, ou... c'est tout un mur sur le côté. Sur le côté gauche, côté droit. Voir, je pense. Non, je sais, mais j'ai remarqué qu'il y avait des miroirs. Ouais, côté gauche, je pense. Mettons que là j'exagère la pièce. Ouais, peu importe. T'sais, mettons que vous êtes rentré ici, il y a une autre porte ici, pis genre tout ça, c'est juste des miroirs. Alright. J'ouvre la porte. Oui. Fait que oui, tu vois bel et bien ta réflexion, t'es comme en tuxedo, t'sais, t'as genre un nœud papillon, t'sais, c'est un beau tuxedo, c'est un tuxedo nice, là, comme. T'sais, comme t'en as même pas chez vous, là, parce que t'as pas vraiment de raison d'avoir un tuxedo, là, non plus. Yeah! There's function sometimes for the FBI. You wanna shoot the mirror? Look, it's a really je nice. Je m'admire un petit peu avant, là. I look good. Ok, ben ouais. Je me réserve au moins une balle par miroir. C'est-tu genre juste un gros miroir? C'est, ou, non, c'est, genre, c'est comme des panneaux. Fait que tire le premier miroir, arrive au deuxième. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est juste du plein. C'est juste, ouais, gif, c'est juste du mur. C'est genre c'est de la brique. Là. J'arrive au deuxième. T'arrives au deuxième, pis. Toujours en tuxedo, là. Pis t'es comme. Pis tu t'en regardes toi, pis t'as pas de tuxedo, pis t'as un tuxedo là-dedans, pis t'es comme. Ok, tu sais. Pas de jet santé mentale. Non, non, non, non, c'est. Tu sais, c'est weird, mais. C'est disturbing, là. Mais comme, you've seen worse, I mean. Indeed, you've seen a puppeteering alien from beyond time and space. Comme un tuxedo, c'est pas si fake que ça. Ok, I continue my grim business. Ah, c'est vrai que vous autres, vous êtes à l'extérieur, vous entendez juste le POW, le single gunshot, là, ça prend un petit peu de temps. POW, il y a à chaque fois, lui, là. Ah. Moi aussi, je suis comme ça. Puis, t'arrives à un autre, t'arrives en fait, t'en fais une coupe Therapy comme ça. Through shooting mirrors. T'arrives une coupe, t'en fais un comme ça, puis là, je vais te demander un sand roll, s'il te plaît. Non, parce que je me vois en get an Oh, j'en ai pas. Ok, je vais te demander un des trois, s'il te plaît. Deux. T'arrives, tu vois ta réflexion, tu es dans le tuxedo, mais derrière toi, il y a plein de monde. Il y a du, tu sais, comme ils sont aussi en tenue de soirée, puis qui se parlent, puis qui mangent, puis qui boivent, puis... Ok, je les observe pendant un bout, là. Ils sont juste là, puis, tu sais, ils ont comme, c'est un party bien normal, mais... Ils ont-tu l'air de me remarquer, genre? Il y a pas personne qui a l'air de porter attention. You wanna turn around? Slowly, yeah. Ouais. Non, il y a absolument personne. Ok. Disturbing. I continue my grim business of destroying mirrors. Ouais, hence the two sand loss. Ah, c'est ça, j'ai perdu deux, là, ok. Fait que... Mais attends, ton deux sand loss s'en vient, là. Tu te retournes, puis la réflexion qu'il y a dans le miroir, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui est comme qui est démesurément grand, beaucoup trop grand. C'est comme si le miroir, comme il bendait un peu, comme les miroirs de Fight Foreign, qui distort. C'est quelqu'un de très très grand qui est habillé comme en... Ça fait style un peu robe médiévale, tu sais, comme robe de moine. Super longue, qui va par terre, puis ça s'en va jusque... Ça va toucher comme le miroir. Puis c'est sûr que c'est comme gris sale ou... Tu sais, genre couleur comme Golden Retriever malade un peu, comme la couleur. Je sais pas comment expliquer. De la robe. Tu sais, genre comme jaune... Jaune sale. Jaune arc, jaune disease, là, jaune pu. Jaune pustulaire. Ouais, jaune infecté. Là, comme. Jaune sale. Pis, genre un peu de même. Ouais, ouais, genre package de mayonnaise. That's a new color. Jaune package de mayonnaise. Ouais. Okay. Pis un hood. You can't see his face. He doesn't seem to have any arms. Il bouge en même temps. Non, non, il est juste là, still. Yeah. Où est-ce que toi tu devrais être? Ah, ok. Il bouge pas par là. Non. Derrière lui, ça ressemble à quoi le ballroom? Il n'y a plus de party. There's just that guy. C'est quand même le ballroom, non? Ouais. Tu veux-tu me donner un natural roll? I'll try. Ah ouais, c'est pour ça? Non? Ça te semble familier, mais Pierre, you're a little too panicked to actually think about it. Ça me fait penser, peut-être au... Moi, j'ai... Nous autres, vu qu'on l'a entendu shooter des miroirs, on peut-tu ouvrir la porte à ce moment-là? Sure. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Un petit peu plus loin, il y a plein de miroirs de pété avec des éclats par terre. Puis il y a juste Devro qui est là avec le Thompson puis qui regarde le miroir puis qui bouge pas. Je prends mon handgun, je shoot le miroir. Ok, ben le vas-y, vas-y, roll. Don't crit fail it. C'est tout ce que je peux te dire. Non? Fait que le miroir éclate dans la face de Devro. The spell breaks. It's a broken mirror. Il y a des pièces qui tombent par terre. Ok, là je dread d'aller à côté de l'autre. Shoot before you go there. Non mais je suis trop curieux, on dirait. Je décide d'y aller quand même. Ah, tu y vas? C'est ta réflexion, toi, ben normale. Ah, the spell's been broken. Thank you, friendly. I think that was gonna become pretty disturbing pretty soon. Yeah, you look like you needed help. There were actually people here having fun, like at the ballroom. Catoptophobia, man. He's getting it too. Yeah, he's getting it too. For your therapy, man. He's getting it too. All right. Fait que, est-ce que vous traversez le ballroom? Are you looking around for something? Ben, il y a still coming in a while, I bet. Kill the other mirror! Je te dis, faut que tu finisses ton Thompson. Finis le Thompson! Fait que le, bon, kill the other mirror. Kill him! Il n'y a pas rien qui se répète. À chaque miroir, tout est bien normal. Non, tout est... Non? Non, tout est bien normal. Or is it? T'as l'impression... Tu sais, des fois, t'as comme l'impression qu'il y a eu une réflexion ou que... Ou que ta réflexion elle a blink pis pas toi. Comme un feeling de déjà vu. C'est, tu sais. Yeah. Non, mais c'est comme ça, ok. Fait quoi? Ok, là il y a juste les double doors. Ouais, à la fin il y a juste les double doors. Pis si vous voulez, vous pouvez en profiter pour rest. Il y a de la bouffe qui a l'air un peu stale, mais il y a de la bouffe si jamais vous voulez. Je regarde la bouffe de quoi qu'elle a l'air. C'est de la bouffe de party, c'est genre des canapés, des. Encore c'est une figue pis c'est restant de cinéma. Il y a du champagne. Il y a du champagne! Party! Ouais, mais champagne pas petit, hein. Il est rendu flat, là, mais il est chaud. Je vais faire mon petit. Il need better alcohol than that. I'm still feeling for now. Non, je toucherai pas. He's still a bit drunk. Je toucherai pas. Non, ok. Vous passez à travers la pièce? Yeah, pretty much. You. Sure. Il y avait vraiment rien d'autre à voir. Il y a pas des grandes fenêtres ou whatever. Non! Non. L'autre côté des mirrors, c'est quoi qu'il y avait? C'est juste du mur en briques. Mur en briques, ouais. Ouais. Fait que là, vous avez un Thompson avec plus de balles, est-ce que vous faites juste l'abandonner, là? Non, je le kick au loin, là. Ah, ouais. Il n'y a plus de balles. Fait que tu fais juste... Je sais pas qu'est-ce que t'aurais fait avec le Thompson. Fait que dans le fond, vous arrivez à la double doors, Devereux fait juste chuck le Thompson. Il est comme, oh well, I guess that served its purpose. That's definitely it served its purpose. Je regarde les miroirs pétés. Fuck mirrors. Good job. Parfait. So we continue on this crazy journey, guys? Something to look forward to. Ok, fait que maintenant que j'ai plus de Thompson, je sors mon shotgun. Parfait. All right. Moi, je resserre mon MacTen dans mes mains. Je pense qu'il me manquait un bullet dedans, je vais le remplir. Fait que, ok, ben vous êtes à la double door. You guys go through it. Yeah, Yeah, does he need the big dumb marine to open? Fait que vous ouvrez la porte. Ça donne. Non, non, j'avais des slugs. Je sors les slugs, je mets des cases de shotgun. Ok. I want to kill that. Vous ouvrez la porte, il y a un autre couloir comme vous en avez vu 6 ou 7, je pense, à date. This is never gonna end. Puis, sauf qu'il n'y a pas de porte dans ce couloir-là. Il y a des lampes le long du mur, comme tout le temps. C'est long, long, long. Puis au bout du couloir, il y a l'air d'avoir. Il y a du papier peint qui a été. Comme la tapisserie ou whatever qu'il y a sur les murs. Ça a été partiellement arraché. Il y en a comme un petit bout qui pend. Le mur a l'air d'être craqué un peu. Puis à côté du mur, il y a un gros sledgehammer qui est juste comme déposé dans le coin. Another weapon for the big dumb marine. Vous pouvez rebrousser le chemin si vous êtes obligé d'aller. On a ouvert l'autre double door dans le fond, puis c'est. Yeah, there's a hallway, and at the end of the hallway, there's a sledgehammer. On dirait que quelqu'un a essayé de défoncer le mur partiellement, mais qui s'est soit tanné ou qui est allé faire d'autres choses ou whatever. Ok. Et du papier peint. Il y a du papier peint qui a été arraché. Ça, c'est à la fin du hallway. Au bout du couloir. Il est long comment le hallway? Une vingtaine de mètres. C'est juste ça. Aucune décoration sur les murs, non, il y a pas le papier peint. Le papier peint est-il juste dans le fond ou sur les murs? Sur les murs aussi, ouais. Sur les murs aussi. C'est quoi qui représente le papier peint? C'est juste c'est du paisley. C'est ça, maman? Ouais, c'est le motif paisley. Un espèce de petit motif qui est juste tout le temps répété. C'est un cercle, un peu un cercle, un genre de goutte. Ben, je m'approche du mur du fond pour voir. M'en voir de quoi ça. C'est un mur, puis il y a. Il y a de la brique derrière, comme vous avez vu tout le temps partout, mais il y en a une couple de cassés, puis il y a genre de la brique à terre. Il y a clairement quelqu'un qui a fait fuck this, fuck finding a way through, je fais un way through. Okay. Mais he apparently left, maybe he went to a party. He's getting the fucking sledgehammer, you bringing him in? Ok. Damn. Puis le papier peint, il n'a pas l'air d'avoir rien en dessous de ça. Ben, en dessous du papier peint, c'est le mur de brique. C'est le mur de brique. C'est quelqu'un qui l'a arraché, probablement. Ok. Puis le mur de briques, tu dis qu'il y a des bouts de briques par terre? Ouais. Il y a quelqu'un qui avait commencé probablement à essayer de. Y a-tu un trou? Ben, il y a une couple de briques qui ont commencé à cave-in. Il y a quelqu'un qui a essayé de péter le mur. Mais... Hey, why not? Ouais. Tu filmes la job? Ben, je continue pendant juste un petit peu juste pour voir. I'm curious. Ok. Je commence à varger. Je reste à l'entrée du couloir. Ouais, toi, tu restes à la porte. Ok. Entre le ballon. Je m'en la folie de okay. Le mur est quand même bien construit, mais après une coupe de coups de sledgehammer, tu sais, oui, ça brise. Je varge où est-ce que. Ouais, ouais. Ça pète un peu, puis comme. Oui, avec du temps puis un petit peu de patience. You can probably make a hole in the wall. Ben, j'essaie de voir jusqu'à ce que je sois capable de défoncer. Je continue à avaler. Okay. Au moins une brique. Je vais t'enlever un autre 2 willpower parce que c'est quand même du strenuous work à faire avec tout le gear que t'as sur toi. Ben, j'ai enlevé le shotgun qu'il y avait tout là. Lui, non, man, il est fou. Là. Il va garder tout son stock. Finalement, il y a une coupe de briques. J'ai enlevé mon coat à un moment donné. Il y a une coupe de briques, puis tu sais, comme les briques qui tombent à l'intérieur, t'entends qu'il y a un petit peu d'écho, puis il y a un courant d'air, puis ça file humide. Ok, ben je dépose le sledgehammer, j'essaie de voir un peu. Putain, c'est écrit à main nue. Non, mais tu sais, genre, tu dis qu'il y a une brique qui a foiré, qui a défoncé. Ben tu sais, j'essaie de voir si je peux comme pousser une coupe d'autres briques. Ça va prendre encore du sledgehammer, mais oui, là, il y a clairement un. There's either nothing or a room or a hole. There's something behind. Guys, there's something behind. So we need help. Use your flashlight, dummy. Oh, right. fait quoi? Tu cliques ta flashlight. Il y a un tunnel. On dirait comme un. Une grotte à la limite. Ou comme un tunnel naturel qui aurait été comme creusé par de l'eau. Ou ça fait. Tu sais, comme les murs ont pas l'air. What? Qu'est-ce que tu me dis? Les murs ont l'air comme naturellement formés. Ça file très damp. Il y a l'air d'avoir du dirt par terre. C'est. Yeah! Guys, it's like a cave behind the wall. What? Oh, if it's the way forward, then go to the damn cavern, but will you be able to do the work yourself, or... Fait que comment ça marche? Si vous voulez défoncer le mur, ça va... Je vais demander que ça soit un total... C4. Ah, oh, tu blow the entire fucking wall. Hey! Si vous voulez défoncer le mur à la main... Plastique, c'est avec toi, là. Hey! Si vous voulez défoncer le mur à la main, ça va prendre un total de 8... de willpower dépensé, n'importe comment. Tu sais, ça peut être 2, 4... Ou un bloc de C4. Ou tu peux gaspiller ton C4 là-dessus. Non, pas de C4, je suis en train de... Non, moi je pense que le C4, c'est une excellente idée. Parce que c'est clair que t'en auras pas besoin plus tard. Non, regarde, tu peux pas... Pour que tu dépenses ce level-là, je dis ça de même. J'ai 3 kg, j'ai 3 blocs d'un kilogramme. C'est vrai, tu peux en mettre 1. On commence par 1. You could blow the, you could just blow the entire fucking wall. Combien de fumes? Il y en a assez pour faire 3, tu sais, 1 kg par. J'ai 3 packages. 3 packages. What? You wanna... You... C'est 4. Fait que c'est soit que... T'as-tu demolition? Ouais, j'imagine. Ok, tu peux... 50. Ce que tu peux faire, c'est que... Tu peux soit utiliser la moitié... D'un petit genre 0.5 pour faire juste comme un shape charge, faire une plus petite charge qui va le péter. Ou, sauf que ça va te prendre un roll de démolition. Ou tu peux utiliser juste un kilogramme au complet, fuck it, je te demande pas de roll, puis ça fait un je vais prendre le roll de démolition, ouais. Je vais faire. Ah oui, c'est un devil dog. Essaye-toi. Mais si tu fails, c'est juste comme. Pire. Non, mais c'est pas pire, c'est pas genre le mur est plus solide, là. Tu pètes, ça fait de la maçonnerie, là. Mais. Architecture gothique. Non, mais ça sera pas assez pour péter le mur. Fait que. Au pire, je recommence, je sais ça. Il va me rester juste 2,5 kg, tout ça. Non, mais regarde, tu fais genre la shape d'une porte dans le mur, pis si ça pète pas au complet, tu prends le sledgehammer, pis tu l'enfonces, genre. Vas-y, let's go. Viens, ça. Genre, waouh, fais de la démolition. Pourquoi pas? Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Fait que, ben, tu sais, ça pète, mais pas assez pour faire un truc. J'utilise l'autre demi-kilogramme pour en faire un autre. Alright, let's go. Critique. Parfait. Fait que, bon, ben, c'est bon. Fait que tu peux t'enlever un, en fond, au complet. Fait que, main shape hold. Tu peux te mettre un check à côté de Demolition. Oh yeah! Check à côté de Demolition. Yeah, so Finley makes a door. Because apparently a sledgehammer wasn't good enough. You had to fucking blow the entire... That's fine. You wanna blow the door? I see C4'd it up! Finley doesn't go halfway. He always goes all the way. Ok, fait que, ben oui, ça donne sur un... On dirait comme une grotte. Encore une fois, ça a l'air d'être comme un tunnel. Je dirais pas un couloir, c'est plus un tunnel. Il y a de l'eau des fois qui a l'air de dripper à terre. Par terre, c'est comme de la boue. Puis c'est clairement très très très dark. Ça, oui, il y a pas de lumière, il y a aucune source d'illumination. À part... Beau petit flashlight. On a pas des glow sticks, hein? Before we go any further, I'd just like to say the doorman opened the fucking door where there was none. He did work well. Just part of the day, of a day's work. Update done, Rainy. Fait que j'imagine qu'on s'aventure là-dedans. Pussy. Yes, we shall. C'est je ferme la marche. Ma flashlight, elle se monte après mon shotgun? Sure, why not? Ma flashlight, elle se monte après mon shotgun. Parfait. Ouais, je peux pas avec mon heavy pistol, je le suis là. Ok, fait que. Moi, je me mets dos à dos avec fucking. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, fait que, ben, vous rentrez. On laisse une petite light formation. Genre, je te tiens par la ceinture, man, puis je marche. Le corridor, il est-tu vraiment huge? Non, pas tant que ça. Ça fait, quand je peux dire, tu sais. Vous avez pas besoin de vous pencher, mais le plafond, il est pas loin. L'effectif, c'est à peu près, genre, gros comme... Mettons que ça, c'était une courbure, là. Ben, je te dirais que... Mettons que ta lampe, ce serait une courbure, ça serait la il fait quoi? Il fait 6 pieds 1? Facile. 6 pieds? Ouais, le pas de grand. Facile, je suis super lanky, là. Tall and lanky. Moi, je te dirais que le... Ça fait... Mettons, le... On a plus nos stats. Non, c'est correct. Le cool... Le tunnel fait, mettons, on va dire, 6 pieds et demi, peut-être, de haut. C'est 5. C'est-à-dire que je pourrais être debout. C'est la courbure de la lampe, à peu près. Je vais pas dire que ça va pas changer depuis qu'on va avancer. Là. On va aller faire de la spéléologie. Ok, fait que. Puis tu dis que c'est humide, c'est tout. Ouais, ça file humide. Tu sais, j'éclaire le sol, voir. C'est de la. Ben, c'était probablement du dirt, mais à cause de l'humidité dans l'air, ça a comme. Ça fait un petit peu du mud, là. C'est pas swampy, mais tu sais, ça fait. Ça fait glissant. C'est-tu bien glissant? Non, c'est juste, tu sais, une fois de temps en temps, ça fait. T'sais, vos souliers vont être sales. Là. Ok. Mais il n'y a pas genre la moisissure qui fait que ça pourrait être. Non. Il y a juste de l'eau qui coule du plafond, des fois un petit peu par petites gouttes. Puis les murs sont mouillés, puis irréguliers. Alright. My crocodile shoes. Fait que je marche en tête, j'éclaire le plafond, j'éclaire un peu partout, puis le plancher des fois aussi, juste pour voir si on y a. Ah ouais, moi je suis le truc avec ma flashlight qui m'ont donné. Puis le corridor, il s'en va tout droit ou s'il descend ou s'il monte? Ça semble être tout droit. Okay. Should we tie up, bro? Il n'y a pas l'air d'avoir de dénivellation. Dis-je en regardant par en arrière, genre. Vous avez déjà fait. You got something long enough? Well, I gotta climb the kit, man. Oh, yeah, that corde, no? I got fucking rope. You never know when you're gonna need rope. Okay, sure. I can move that dash. Oh, tie a rope between us. Mm-hmm. Ah, maybe not a bad precaution. Maybe not a bad precaution, yeah. Moi, je pensais que tu voulais le faire comme... Non, le petit poussé. T'en avais genre le fil d'Ariane, là, tu sais. À la limite, on fait juste des traces dans la roche avec whatever, là. Ouais, dans cette place-là, je vais demander du alertness à tout le monde. Ok, non, avant ça, ok, ça fait 20 minutes que vous marchez en ligne droite. Still nothing. You guys on voit. Lui, il voit-tu encore en arrière? Ben, plus, non, plus assez de distance. Vraiment, ça, c'est tout le temps en ligne même droite. Pas un, même pas un petit point lumineux dans le fond? Il fait très, très, très, très noir. Puis. Fait que non. Fait que non. Ok. Ça fait 20 minutes. You guys want to keep going? Oui. What are we going to do? Otherwise, il n'y a pas de branching up de l'autre temps. Non, non, non, pas pour l'instant. Là, je vais vous demander un alertness. Oui. There's still moving in the darkness. Le bord de peu. 0-0. 0-0, crit fail. C'est correct, c'est moi qui est en tête. Il n'y a absolument rien. C'est la place la plus safe au monde. Je me suis blindé, je vais prendre la side. Je vais en venir, guys. C'est encore mieux. Parce que lui, tu sais, il est entre le gros dos de lui et mon grand dos. Ça n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un petit peu, tu sais, il y a clairement un courant d'air qui vient vers vous. There's whispering in the air. Whispering. Shut up, guys! I hear something. J'essaie d'écouter un peu plus. Non, c'est tout le temps. T'as toujours l'impression que tu vas pouvoir entendre qu'est-ce qui se dit, mais c'est jamais clair. C'est juste. C'est, it could be gibberish, it could be another language. It's. Ok. Je vais te demander un sand roll, mais t'en perdras pas. Je vais juste voir si tu veux. Juste lui ou. Watch me. Non! Watch me fail. Oh, nice. Ça pas long de moi. C'est ça que je veux entendre. De moi une petite seconde. Oh, c'est cool. Il faut se voler de l'eau. Non. Non, c'était ça. Gracias. Ouais. Wah-wah. Wah-wah. Abba needs to be refreshed. Yes, I do. Refreshed. I'm refreshed. What do you see? What do you see? Une bière, babe. De la bière? Non, j'ai acheté de la bière. La quoi, ça? La Carling Blue. T'en prends une? T'en prends une aussi? Tu dirais pas non? Pour rester là, mais j'en prends une avec eux. Une petite bière. Merci. Ouais. Pas votre belle table en bois, là. Je les avais sortis. Pure silk in a glass. What does he hear? Je ressors la photo que j'avais gardée. Yes. C'est encore écrit? Ouais. Alright. Ok. Là, je vois qu'il est disturbé dans le moment. Bye. Joe, do you need a shot? Non, non, en fait, je fige un petit peu. I have a shot for you. Je fige un peu, puis à un moment donné, je fais comme. Wait a second. Je sors la photo. Ouais, oui, c'est la même chose. Je la range dans la poche de mon coat. Ouais, fait qu'il regarde la photo qu'il avait trouvée, puis il check, puis il arrange. Finley, talk to me. What's the holdup? You see something? You need a shot? J'accélère le pas. Ok. Et ouais. Fait que continuez. No, seriously, what the fuck happened? Léger jogging. J'y vais au léger jogging. Ah ouais. Fait que filmer, accélère. Finley, wait up! Je continue à éclairer l'avant. C'est bon. Fait que. Keep up! Vous faites un autre 20 minutes. Still nothing. Je vais. Un willpower à tout le monde encore. Là, tu commences à être fatigué. Là, la journée commence à être longue. Fait que, ouais, là, ça va faire 40 minutes que vous êtes dans le pitch black. Finley, what did you see? What's up? You said you hear something and then you freeze up. Then you start running. I think I heard something. What did you put up that picture you saw earlier? So, talk to fucking us already? Fait que là, peut-être vous ostinez notre pente, vous ostinez, je vais aller. Ça fait 40 minutes qu'on marche, là, apparemment, on peut même parler, là, ça sert à rien. I heard something. It's creeping me out, but I think it's God. And he's calling to me. He turning religious on us right now? What do you mean, God? What did he say if he talked to you? He said, it is a fearful thing to fall into the hands, into the hands of a living God. He said there was a place for me. There was a place for you? Yeah. It's what it whispered to you? That's what I heard. T'as-tu psychology ou psychoanalysis, whatever? Ouais, je te dis, tu peux le roll si tu veux, je vais te... Moi aussi, j'ai du psychology. 0-7, t'as des critiques. Moi, je l'ai pas peint, tu. He looks fine. He's totally, totally cool. He's not. Told you. He's totally fucked. How is he fucked? What's up? Assez. Really? Genre, Spooner maybe House. Place park. For us down there. Maybe. This place is not good for his mental maybe health. It could all end. Down where, brother? Down there. Keep going down. Le courant d'air a l'air un petit peu plus fort qu'il était tantôt. I think we're getting somewhere. J'essaie d'écouter voir s'il y en a quelque chose. Non. I think Johnson should go first. What do you think, Johnson? You reverse the order? Yeah. I think he's not... I think you're great, buddy. You're great. He's not well at all. Je suis la seule qui comme... Je regarde mon clinical gaze, genre... He's not well at all. So what do you say, buddy? Let Johnson go first for a while. You did 40 minutes already. That's enough for sure, you. Sure, yeah. I kind of need a rest. Keep your gun ready, but yeah. Follow me. You mind if I sit down a little? Sure, sit down, bro. Am I supposed to ball the ball? Écoute, rendu là. C'est ben, je regarde quand même par terre, essaie de pas me mettre dans non, un, une grosse affaire. Johnson, de can, là, can you range je me sens un peu, puis je m'accorde un peu. Je prends un breather. Ok, parfait, y'a pas de problème. Bon, j'ai encore mon restant de cigare. Ben, il a fait une petite boîte, il peut allumer, en tout cas. Je l'aurais vraiment pas envie de détacher ma Ok. Fait bien. La rope. Ah, puis je prends une petite chasse. Pas pour me souvenir, mais juste pour... Pour steal yourself. C'est ça. I mean, I can still stay tied to you if you want. It's about 50 feet. Okay, we're gonna wait a bit. It's like 40 minutes. Moi, je reste attaché après le bout de la corde, puis j'attache l'autre bout de la corde après lui pendant que je détache, fini pour qu'il reste assis tranquille pendant qu'il repose. Okay. Puis oui, je m'en range ahead jusqu'à 50. Ouais. Fait qu'il a dit, je peux-tu cook up quelque chose pour le calmer? Oui, oui bien sûr. Je vais te faire ma collègue, là. C'est vraiment que je m'endorme dans ce cas-là. Non, mais c'est pas ça. Ou genre des anti-psychotiques. Je suis en train de me calm down, là. J'ai pris une petite shot d'alcool. Des anti-psychotiques. Des anti-psychotiques, ben oui, yes. So I'm gonna prescribe you something. I'm a doctor. I'm a healer at heart, too. Tu m'as donné du AIDS? Attends. Non, ce que je regardais, il y avait la liste de maladies, puis il y a genre des damage code pour le AIDS, là. Let's give him AIDS. That will give him something to think You'll about. Be better here's AIDS. Ça va changer la perspective des choses. Here's my pocket monkey. Fuck it. You have AIDS. You have only 5 years to live. Live life to the fullest. Ok, ben si tu réussis. Ouais, vas-y, tu peux. Oncology, the pharmacy. Ouais. Oh, 60, j'ai 60%. Parfait. fait que. Fini, rendu avec un plus 10 de sanité temporaire. Wow. Si, wow. Temporaire. Wow. You're not injecting me with nothing. Not injecting me with anything. Vu que tu l'as réussi, c'est qu'il y aura pas. Tu sais, d'habitude, j'aurais fait pareil que l'alcool. J'aurais changé, tu sais, du 1 pour 1. Ah, mais là, c'est un 10 avec pas d'effet secondaire pour l'instant. Moi, je peux-tu faire un jet de persuasion, quelque chose de ça? I'm still staying with... No! You're not injecting me with anything! J'ai 50% de persuasion, je peux essayer de persuader. Non, ça je laisse ça, par contre, ça je laisse. No mind-controlling other players. S'il veut pas, il veut pas. Pour le convaincre, là. Tu peux essayer de me convaincre, essaye de me convaincre si tu veux, mais... Call this fucking better for a while, buddy. Wouldn't you want it? That's what I'm doing right now. I'm sitting down. Oh, that's not gonna help your focus, buddy. Ok, fait que pendant que eux autres s'ostinent... Fuck. Je pogne le bout de la corde que je m'attache sur moi. Mm-hmm. Que je pogne l'autre bout de la corde que j'attache après Abel. Mm-hmm. Et là, il me reste un doctor, come on, dude. You gotta get better with entre that. Les deux bouts de la corde, puis je fais juste venture un peu plus loin. Donne-moi un luck roll, s'il te plaît. If you want, buddy, it's your loss. Stay unhinged if you want. Je l'ai. Ouais. Donc, tu sais, tu fais peut-être une quarantaine, cinquantaine de pieds, puis... J'arrive au bout de la corde. Ouais, t'arrives au bout de la corde, puis... Comme je faisais, le tunnel descend un petit peu. Il y a clairement une dénivellation plus prononcée que s'il y en avait une avant. Puis, t'as l'impression que ça débouche sur une... Il y a peut-être une pièce, il y a de quoi un petit peu plus loin, comme ça a l'air d'être juste une ligne droite. Okay. Parce que tu réalises, tu sais, tes yeux sont habitués à la noirceur. Il a l'air d'avoir un petit peu de lumière. Je double back. OK. J'essaie de voir si je les entends encore eux autres quand je suis là-bas. Je vais te demander un alertness. C'est quel moment qu'il a réussi là, man. Tabarnak. Ça serait le temps. That sounds like a no! Pas trop. Continue. Si ça a été de même, ça aurait été perfect. Malheureusement. Alright, fait qu'eux sont en train de argue dans le couloir. Okay. Come on, buddy. It's gonna be better for you. You're gonna feel better for a while. Tu réalises que... Well, I'm already better. Mais en fait, just là, je leave me alone. Le loose de la corde, puis je fais juste tug sur la corde. Ok, je le sens. Ben oui. Ok. Moi, je ferme ma flashlight. Right, je laisse juste mon cigare dans le darkness total. Il m'entend-tu quand j'ai changé? Oui, oui, oui. Ok. Guys, I think there's something up ahead. Told ya. See, there's hope, huh? Looks like it's going c'est down quoi, a bit. C'est quoi, j'ai une seringue ou genre une pile? C'est une seringue. Ok. Moi, c'est une injection. Je vais attendre que tu t'aides d'autres tourner. Hey! Moi aussi, je suis capable d'attendre que tu aies le dos tourné. Wow! Je vais faire tout là, pour ton bonheur et pour ta santé, là, malgré toi même. You guys seem tense. You guys seem tense. Ok, avant qu'il m'en reste plus, je le botche mon cigare puis je me le garde, je le mets dans ma poche. Y'a pas de problème. T'avais le cigare dans un Monte Cristo. Ouais, c'est ça que je t'en refuse, c'est ça que je t'ai fumé dans la face deux fois. Parce que tu me gossais. Je réarrange la rope. Non, c'est mon cigare. Je réarrange la rope. C'est le cigare que je fumais dans mon blanche. C'est genre le cubain que je fumais dans mon blanche. Fait que. Guys, là, on n'est plus attaché par exemple. J'ai enlevé la rope parce que je dis qu'il a l'air d'avoir une salle genre au bout. Finally! Puis pourquoi je dis ça? Parce que. Comme moi, est rendu un petit peu habitué à la noirceur, là. Fait que, comme je pensais voir de quoi de plus clair, genre. Ok, j'allume ma flashlight sur mon shotgun. I'm all better now. Let's do this. Stay in the back, I'll go first. Continue. Ok, but go then. Alright. Fait que. Commence à avancer. I'll cover you. Y'a. Stay in the back, bro. Y'a bel et bien I'm in your back, I'll cover you. Y'a bel et bien la lumière parce que. I'm not turning my back on him. You go first. Yeah. Hey, don't trust me now. You go behind him. Wow. Parfait. I didn't do anything. Things are not going well. C'est parfait. There's tension now between Devereaux and... And put that syringe away. Hey, I'm going to put it in my pocket. Don't worry about it. Away. Guys, quiet. In the kit, man. Shh, guys, quiet down. There's something up ahead. Fuck. I know. Yeah, I told you so. Shh. Let's try to take it by surprise. It knows we're here. Listen to Johnson. Even so, fair enough. Let's just be quiet. Alright, we're calm, Johnson. Okay. Calm. Okay. I'm okay now. I'll follow your lead. Go for it, Johnson. Okay. Right ahead, Johnson. Come on. Okay. Ça descend. Il y avait bien une petite dénivellation. Là, tu l'as déjà fait. Vous autres, je vais vous demander des alertness. Je me retourne rapidement, je vais rester avec la semaine. Juste à dire, j'ai mon shotgun, le mec, il est pointé vers toi. Puis il a réussi son alertness roll. Ouais, j'ai réussi son alertness roll. Il y a quelque chose qui est comme. Qui est comme taché de boue, fait que sur le coup, vous ne le remarquez pas, mais il y a quelque chose par terre. Ça a l'air d'être des vêtements ou. Il y a comme un bundle. I investigate. Right, you pick it up, genre avec le bout de ton shotgun. C'est ça, avec le. Genre à la Alien. Non, j'approche le shotgun, je garde le shotgun pointé dessus parce que la flashlight est au bout du shotgun. Fait que je le fais pas avec le bout du shotgun, mais je le fais avec dans mon pied. C'est le. Ça a l'air d'être une casquette. Une casquette. Ouais. Nice, okay. Ben, en tout en pointant encore, en gardant le doigt sur la gâchette du shotgun, je prends la casquette. You're scared of a baseball cap? Wow. Hey, I don't know. Shit's getting intense. Please, I've seen shit. There's a hat, I'm gonna shoot it. Okay. I've seen some stuff. Je regarde la casquette. C'est un. Ça a l'air d'être un. Les expos. Non, c'est genre un. C'est une casquette de AT&T. De What? AT&T. Ah. Ça existe pas en 1900 quelque. 1920. Donc, ben 1927. Okay, ouais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est de notre époque. C'est comme une casquette genre de. C'est juste la casquette tout seul? Y a-tu genre des initiales dans la casquette? Non, non. AT&T, they go the distance. Can you hear me now? Non, c'était pas ça. C'est Verizon. What the fuck? Can you hear me now? Ok, ouais. Okay, there's a cap. La casquette est vraiment dirty, j'imagine. Oh, ouais, mais elle a tombé dans le bout et elle a dû rester un petit bout. Il y a vraiment rien de spécifique à part de ça, rien autour de la casquette. Non. Déjà à terre. Ok, parfait. Fait que vous continuez un petit peu plus loin, puis le tunnel débouche dans une pièce. La raison pourquoi il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a, une oil lamp qui est comme accrochée sur un petit crochet. Oil lamp. Yeah. Sweet Jesus. Qui est allumé. Which is kind of weird. Yep. Puis dans le fond, c'est que ça donne sur une pièce qui est comme carrée. Je vais faire un petit dessin. Un miner's shack, genre de début 1920. On est d'une même, guys. On va passer une main. Excusez, je suis pas. Non, ça, ça a vraiment pas marché, mon enfant. Comme ça. Bon, ok. C'est la caisse. Puis nous autres, on arrive par là. Vous arrivez ici. Il y a une petite oil lamp accrochée juste là. Puis sur tout ici, dans le fond, sur les coins, ouais, si on veut, il y a des étagères en bois avec tout plein de bouteilles de différentes formes. Il y a des étiquettes sur les bouteilles, je m'approche un peu voir. Ouais, il y a des étiquettes sur les bouteilles. Toutes les bouteilles ont comme une petite étiquette collée dessus. Puis ça a l'air d'avoir été écrit comme au fountain pen. Puis il y a plein de noms. Chaque bouteille est identifiée à un nom. Est-ce que je trouve mon nom? Pas dans cette pièce-là. Yeah, ouais. Est-ce qu'on trouve un nom de quelqu'un qu'on connaît, genre Mark, Bébé, Abigail? Non. Non. Puis il y a des petits. Je veux dire, les racks sont pas pleins. Tu sais, des fois, il y a de la place pour des bouteilles qui sont plus là. Ou qui n'en avaient pas. Y a-tu des bouteilles qui sont genre vides? Ils ont toutes l'air de contenir du liquide. Le liquide, il est quelle couleur? Varie de chaque fois? C'est dur à dire, puis les bouteilles sont toutes teintées. Ok. Fait que, tu sais, c'est comme, mettons comme des bouteilles de vin, tu sais, c'est dur à dire. Mettons de. Ben, si c'est un vin blanc, il est transparent, c'est tout. Ouais, transparent? Non, c'est ça, c'est des bouteilles comme. C'est souvent des de couleur foncée. Ok, le liquide, on voit le liquide à travers, mais il est foncé. Ça a l'air ça pourrait être du sang. Ça pourrait. Le plancher à terre, c'est-tu encore en muddy? Non, c'est du dry dirt. Dry dirt, ouais. Ok. J'adore ta face, what the fuck is this? J'en grab une au hasard puis je l'ouvre. Pas grave, d'ouvrir. Donne-moi un strength test. Non, you're about to pull a muscle. Puis non, le core qui est genre fuck you. Oh yeah, well fuck you too. Ta pitch? Tu vas pitcher si tu veux. Je le sais, mais je le zit. I don't think you should do that, bro. Buddy. I pulled as hard as I could. I can't pull that cork. I saw you. Where the fuck are you? T'as vu les muscles dans mon cou, la veine de mon cou. I know, but I thought you were about to break the fourth wall again. Là, ici, j'ai une veine qui pulse. Je suis même pas en train de forcer. C'est quoi qui est écrit sur la bouteille que j'ai pris au hasard? Un nom asiatique. Quelconque. Un nom. Xinhui. Xinhui. Xinhui. Well, Xinhui, fuck you too, j'appuie sur le mur. T'appuies sur le mur, donne-moi un Dex times 5. Dex times 5. Crit. Crit, parfait. La bouteille, elle bounce contre le plancher, elle bounce contre le mur, elle t'aurait probablement tourné dessus, mais tu tasses, puis elle fait juste à tomber par terre, puis elle roule. C'est cool. Elle brise pas, là. Ok, I'm impressed, puis je la replace où est-ce qu'elle était. Respect. Very wise decision. Ben écoute, tu sais, quand tu te dis que. C'est ça. Fait que, ouais. Vous êtes dans cette pièce-là, puis il y a, tu sais, le couloir va tout droit, à droite, à gauche. Y a-tu l'air d'avoir d'autres lumières dans les autres corridors? Nope. Nope. Je regarde la lampe à l'huile. Ouais, c'est une lampe à l'huile. Un peu d'ordinaire, est-ce qu'il y a comme une poignée qu'on pourrait prendre? Ouais. Je la prends. Ma flashlight a pas. Ma flashlight a pas monté sur mon This handgun. This guy's going crazy. Là. Je démonte ma flashlight de mon shotgun, je range mon shotgun, je monte la flashlight sur mon handgun, puis j'ai la lampe dans une lampe. Et plein. Let's do this. Where are we gonna go now? Well, we got three choices. Well, we got four. We can always double back, but that's somehow not an option. Why is that not an option? Because we're here now. So? Might as well go on. Remember what happened to those guys in the fucking desert? No. Which guys in the desert? You know, I kind of blocked it out. That time, like we both shot an alien. Blocked it out. Oh yeah, that was Friday, right? Would you try to bounce the bottle off the walls? Yeah. Ça, la bouteille abrise pas là. Je l'ai ramassé, je l'ai placé parce que respect, Shinmui. Shinmui, c'est ça, le Chinese motherfucker qui était là. Okay, j'ai ramassé la real lamp, j'ai monté ma flashlight sur mon handgun. Good. Yeah. Lui, il est prêt à se décider, fait que straight ahead. Let's go. On pensait pas un dé, quelque chose dans le pot. Moi, j'avance straight ahead. Fuck these guys. Okay. Fait que tu vas tout droit, ça donne sur... Ben, je suis pas au chat de la again? Ça donne sur une pièce exactement comme celle que vous étiez. Il y a des bouteilles sur les murs, il y en a quelques-unes. Il y en a qui ont des formes un petit peu funky, il y en a qui sont petites, il y en a qui sont squat. Je cherche mon nom encore. Il y a tout le temps des noms. You're looking for your name? Ou un nom que je connais. Un nom que je connais, n'importe quel nom. C'est tout l'autre du couloir. Je cherche pour un nom. En tout cas, la deuxième pièce qui est à côté, c'est ça. Là. Je cherche pour un nom que je connais. Luck roll? Ouais, sure. Luck roll. Attends, donne-moi un base. Fait que juste power. Juste power? Il y en a toutes les langues, là. C'est juste des Américains. Toutes les langues. Sweet! Non? There's bottles, you don't find a name, you know. Ok. C'est encore un carré. What? Avec what? Exactement le même bien. What bottle are you? Straight ahead. Yes. Any. Straight ahead. Straight ahead? All right. Any what? Il n'y a pas d'autres traces de people qui a. Anyone I know? Non, pas pour l'instant. Think our names may be there? Damn. I don't know shit, bro! Est-ce que vous voulez l'aider à chercher quelque chose? Est-ce que vous voulez chercher pour des noms? Est-ce que. Do you break off? You split up? Well, splitting up sounds like a great option. Yeah, right. Moi, je continue straight ahead. You know what, guys? I think we should tie back. Yeah, okay. But we're going straight ahead. C'est toujours du pareil au même. À chaque fois, c'est une pièce avec des étagères, avec des bouteilles. There's a lot of bottles in here. A lot of bottles. Il y a rien dans le bouteille en tant que tel, c'est juste des. Il y a l'air d'avoir du liquide dedans. Mais à date, il n'y a pas des cadavres d'ouvrir une. J'ai essayé de l'encore. Ils sont indéceptibles. C'est ça, puis. On va Damn. Uncorkable. Tough bottles. Uncorkable. C'est juste des. Le pire, c'est que c'est juste des comme des twist-offs. C'est des twist-offs. Ou même pas, c'est des bouchons de liège, mais ils sont pas comme. Ils sont juste rentrés dedans. Non, c'est ça. Alright, yeah, donne-moi un autre. Luck roll. On va faire. Fait, you're looking for a bottle with a name you know on it? Yeah. Ok. So that's what je vais demander un des 6 à tout le monde. Un des 6. What's the bottle? What's the name? 4. 4. On a tous 4. Non, il y a 3. Ok. Are you continuing your search until you find something you know? Until we drop from fatigue. That or the other. Ok, tout le monde, half willpower. Prenez votre willpower, divisez-le par deux, puis c'est ça que vous descendez. Willpower restant ou willpower total? Willpower total. Ok, j'étais à un. T'as un? Ok. Commence à être assez fatigué, là. Okay. Commence à être exhausted. En fait. Moi, si j'ai 13, c'est 6.5, c'est 7. 7. Il m'en reste 2. Ok. Ouais, il m'en reste tellement. Fait que 7 heures plus tard. vous êtes promené dans ce place-là, puis it looks like it never ends. C'est juste des pièces avec des bouteilles, des pièces avec des bouteilles, des pièces avec des bouteilles. Finalement, t'es-tu perdu? Ben, ça dépend, là. Non, parce qu'on est allé tout droit à chaque fois. On est allé tout droit à chaque fois. On n'a pas split up non plus, là. Non. Puis on n'a pas split up. Tu commences à être fatigué, tu commences à avoir chaud, à avoir soif, à avoir faim. C'est vrai qu'on a voulu manger. You've been up for close to 24 hours. On peut pas rebrousser le chemin, là. C'est rendu loin, là. Ça fait... It feels... it's probably been like 6 or 7 hours, but it feels like ages. It feels like you've been in this place forever. Un sign roll à tout le monde. Maybe we have been. Nope. Art. Oh, the lay. Tu peux mettre une coche dans helplessness? Helplessness. Art. Oh, je suis rendu à deux coches dans le business, ça veut dire qu'à la troisième. T'es un helpless motherfucker. So you just don't, you don't fucking care anymore. T'es juste apathique, là. Dans ce temps-là, c'est ça, je parle plus santé mentale. Pour la helplessness. T'es comme immunisé, mais... Ah, okay. Ouais. Mais t'es apathique. C'est ça. Il y a quand même des affaires qui peuvent te faire perdre la santé. Especially stuck in a You find a bottle that looks... Well, when you see it, it looks familiar. I get closer, and I look closer. Yeah. I got drunk with that a few nights ago. You get closer to it? Yeah. Yeah, there's a name on it. Is it mine? Yeah. Nice, I take it. You take it? All I right. take it. T'as bouteille avec ton nom d'écriture. Je vais te demander un sandwich de tout ce qu'il y a encore. Fair enough. Charles. Hey! 99! 99. Charles. Un autre petit art. You know what, actually? No, you don't lose anything. Non, c'est juste comme... I kind of expected son nom était écrit dessus. I kind of expected. Et le middle name, c'est quoi son middle name? Ouais, c'est quoi le middle name de Charles Finley? Herméningide? Evelyn! Non. C'est nice. Je sais pas. J'ai-tu un middle name? Joseph? Charles Cherry Finley? Charles Joseph Finley? Charles Junior. Charles non, attends. Charles. J'ai des origines irlandaises, fait que... Charles Jesus. Patrick. Ça serait malade. Ça serait malade que son nom ça soit Jesus, comme ses parents trippaient, genre le skin. Hamish. Charles H. Finley. Hamish. Hamish. Come Watson. Come Watson. That's crazy. All right, yeah, you have a bottle with your full name on it. It's your middle name, who you've never told anyone, because you're very and ashamed. I hide it right now. Okay. Il trouve une bouteille avec son nom puis il la met dans son coffre. What the fuck did you just do? Donc on est rentré dans sa folie puis on l'a suivi tout le long là. Ça a l'air d'être une bouteille. Ben je sais pas, vous bottle has my name on it, so it's mine. C'est pratiquement je le... Non. Try it, just to see. Just to see. I got an unbreakable bottle, I can beat you with it. Yeah. Is it unbreakable? Doubt? I try to uncork it. Allô? Y'a-t-il du liquide dedans? Hey! Ça fait quasiment 24 ans. La dernière. You feel kind of dehydrated. I mean, ça fait longtemps que t'as pas bu de l'eau, là. T'es déshydraté. Je la recorque, je sors ma flasque, je casse ma flasque. Ça fait. Good move. Que, je la cale. C'est bon. Oh, ouais, plus 20 cents. Oh, ouais, plus 20 cents, moins 20 skills. Ok, t'as plus 20. I need sanity. Whatever. Tu vraiment pas plus mon cocktail à tes shit. Là. Tu te donnes en plus des malices à tes affaires. Et tu bois. Ça goûte quand même sucré, un petit peu sirupeux. Ça goûte pas l'alcool parce que t'es un expert en alcool. T'as bu la bouteille avec ton nom dessus? You drink the whole thing? J'en bois la moitié à peu près. Ok. T'en bois la moitié. Seriously, dude. Tu te sens quand même rafraîchi. C'est good. You want to try? Détache la corde de sur Fenley. You want to try? Je détache la corde de sur moi. Seriously, it's really refreshing. Je range ma corde. Tu peux reprendre deux de willpower. Ouh, reprendre deux de willpower. Puis genre... Je regarde l'autre puis je fais, should we find bottles with our names on it? Well, it's very thirst quenching. You want to try? Not that I want to drink it. Just that it's not in some creepy place like this anymore. Je l'ai fini. T'as fini? Parfait. Tu peux reprendre un autre bit de willpower. Yeah, okay. I can't believe we're making choices like that right now. Me find either, man. My name on it to drink it, to be refreshed. What the hell kind of nonsense is that? I don't want to drink it. I'm just... Il reste rempli. We don't want to search for it. That's the first step toward freaking madness, man. You see that guy? Yeah! Je la recorque. Elle a quelle forme, la bouteille? Somehow, some of what he does... Mais comme, tu pas... Genre un peu wavy. Un peu wavy. Puis sinon, un genre un peu plein de vin, genre rond. What? Finding it in the first place? No? It sounds that cool amazing. Looking bottle. Fucking FBI agent. I can't. Supposed to investigate crimes. Not doing this freaking shit, man. I fucking mind looking in bottles with names on it. Puis un gros comment? Un gros comment? Une communauté de vin. Fait que c'était un septembre. J'ai une boîte trois quarts de l'autre. Non, mais t'es pas plein au complet. Fait que c'était. T'es pas plein à moitié. What the fuck is going on, man? Right? Y'a un problème ici. Est-ce que tu... Es-tu bien écrit? J'ai écrit bien. Mm-hmm. Ok, c'est bon. Tu t'es fait whisper quelque chose en oreille? Maybe. Maybe the ball is talking to him. Yes, precious. See what I mean, man? See what I mean? I know, precious. This is no place for sane people. Are you still with us, Johnson? That's Johnson. I'm Johnson. Finley, sorry about that. I'm so with you guys. Let's get out of here. Seriously. This place What about us? Shouldn't we find bottles with our names on it? Yeah, maybe. Now you want to get out? Well, unless you want to search some more. Is he sane again? I'm going to sit down for a little while, if you don't mind. You're taking it a little nap? T'as combien de psychology? 60. 60? Non, c'est moi qui le vois. It's funnier. He looks fine. Ok, je peux être de toute façon là. Est-ce que je peux cocher moi? Non, he looks fine. He looks a little more at peace. Et oui, tu l'as déjà coché. C'est peut-être le fait qu'il soit pacté aussi. Psychologie, non, je peux pas cocher, j'ai tout vu à l'heure. C'est peut-être le fait qu'il soit. Ah, c'est quand tu le rates que tu coches. Oh! C'est pour ça que je t'ai fait cocher des mandés. C'est vrai, I forgot that. Mais ouais, yeah. Il vient quand même de genre de finir un flask d'alcool aussi qu'il y avait dans ses poches. Il est peut-être juste pacté. Ah, ok. And he's a fun drunk or a mean drunk or he's looks crazy drunk. He's just already normal. A horny drunk? Horny drunk. Yep. Three men. He's looking at me with a gleam in his eye. Three men in a syringe. Okay. Ben le temps. La première affaire que vous avez trouvé, c'est une bouteille avec son nom, qui a bu. Puis il a l'air un petit peu plus zen. Il a l'air plus en forme que vous autres. I guess we should go with the insanity. Find the right. Balls with our name on it. Vous voulez chercher d'autres bouteilles? Unless you guys want to rest, we've been doing this for, what, 8 hours? 7? 8? Something like that? La journée commence à être fucking longue. Ça fait longtemps que vous êtes venu. Wanna sleep in the mud? Well, I think, I feel kind of rested. You could so get to sleep. So you could sleep while you search for our bottles? No, I was kind of gonna watch. And then us? I get first watch. We bust in our sleep? Sure. I'm gonna gut you open in your sleep. Great. She's filling me with confidence. Fait que, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quelle situation? On peut faire un fuck it. Let's rest. A short rest. A short rest? Let's make a short rest. Okay, je prends first watch. Parfait. Wake me up when you're done for first watch. Sure, no problem. J'ai chance d'avoir une barre de chocolat avec moi. Non. It's okay, Johnson. I'll let you sleep. Don't worry. T'as genre une boîte de halls, pis t'es calme. My breath is already minty fresh. Moi, je me couche en dessous. I've got some dates. Fait que vous reposez pour combien de temps? Ben, moi, je fais un 4-hour rest. Après ça, je me réveille pour un 4-hour. Peut-être pas 4 hours, parce qu'on reste pour 8 heures. Fait que ben, tout le monde qui reste peut reprendre 2. De willpower. Mais il reste combien de temps qu'on arrive-tu à dormir? Ben, après 4 heures, je le réveille. T'sais, j'ai ma montre, puis je le réveille après 4 heures. C'est un bon petit 4 heures. Ben, tu sais, je réveille lui, puis dans le fond, lui, il me relève. Oh, ouais. Moi, je me repose aussi 4 heures. And what do you do 4 hours? Fait que, ouais, that's it. To look over us? Par contre, bring your weapons. T'es encore la mallette, toi. T'es à, ouais. Tu vas lire ça, sérieux? T'es à combien de willpower? Ben, après le 2. Après le 2, je suis à 7. C'est quoi ton total? 12. 12? Ok, t'es à 6. Ah. Sérieux, tu vas aller chercher ma mallette. Pour monter jusqu'à plus haut que la moitié. Because you have no food, no water. Fair enough. Ouais, hein, c'est ça, la petite affaire. On a juste de l'alcool, genre. Ben, puis maintenant, d'alcool. Ça va bien. Fait que 4 heures de temps, on arrive à. Fait que vous êtes reposé un petit peu. On n'est pas refresh parce qu'on n'a pas de nourriture et on n'a pas d'eau. Nope. Just a little less sleepy. Je mange une des vieilles dates séchées. Je la mâchouille un peu. C'est correct. Oh, c'est une date. Les dates séchées. It controls your soul. Je l'ai retrouvé sur le toit de l'ancien immeuble. Quand on est encore dans le plancher. Cinnamon stick dans le bois. Peut-être le cinnamon stick, là. Ouais. I'm getting hungry, so. It kind of looked appealing. So, what did you do in 4 hours? Did you look for something, or? I stayed here and watched you sleep. Watched you sleep. You're so pretty when you sleep. Somehow it's not that comforting. You should sleep forever. I'm kidding. Come on, Devro. Fait que, ouais, mais vous êtes un petit peu reposé, vous êtes encore en plein milieu this bottle labyrinth. What do you want to do? What do you do? Yes, continue to. You guys want to keep searching? Aimlessly. So, Devro, we find our bottles and leave? guess. Do you have bottles? Have your bottle with you? I don't know. Finley, do you still have your bottle? Is it filled again, or? No, it's empty now. It's still empty? I kind of drank it all. I bet you did. So, take a drink here, it's logically empty. See? I guess we should look for bottles. Logic isn't place. Really like well, I don't know. A problem. You shut up. Hey, Finley, why did you start looking for your own bottle? Why did you know you had a bottle? I didn't know I had a bottle. I started looking for a bottle about someone. What about that paper you could give us? What paper? This. What paper? No, he's truthful. Maybe I'm just crazy. Because I was fooling around with paper, you know what I thought. Ok, but on va pas rester des heures ici, là, quand même. Non, y a-tu d'autres embranchements en plus? Oh, ouais, c'est tout le temps le même setting, si tu veux. C'est le même setup. Mais on est allé tout le temps en ligne droite. Ouais. On est allé tout le temps en ligne droite, fait que c'est facile de revenir sur nos pas. Et on continue en ligne droite à vitesse éternelle. Est-ce qu'on continue en ligne droite à vitesse éternelle? Est-ce qu'on veut essayer de trouver le fond? Là, il y a des barres partout. Fait que on a... notre barre en particulier, ça va prendre des années. Là. C'est juste un coup de chance que je sois dans des années. C'est moche. Ou okay, pas. Let's range ahead. Ou pas. Let's range ahead again. Let's keep going. Okay. C'est qui lead? What do you think? I'll take the lead. Moi, je vais être le back. Ouais. Moi, j'y monte plus mon dos. Il doit se prendre tout maintenant. Ok. Mais tu veux juste faire ça pour son bien. Fait que je prends mon backtail dans mes bikes, genre, pis je le tiens, genre. Parfait. Comme si c'était mon life plan. Pendant tout ce temps-là, la lampe à l'huile, là, s'est-tu vidée un peu? Oui. Ah, ok. Oh, oui. C'est pas une unnatural. C'est pas une unending lamp. Je sais pas, moi. Non, en voyant qu'elle commençait à se vider, je l'ai éteint. Okay. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas éteint. Tu peux diminuer. Je l'ai diminué. Parfait. Puis j'ai éteint ma lampe de poche aussi. Ouais, on n'a pas de backup. Non, pour on n'a pas de backup battery. Nope. Fait que. Il reste combien à peu près dans la lampe à l'huile en ce moment? Bah, c'est dur à dire. Vu que je l'ai diminué. C'est dur à dire. Ah, on voit pas l'huile à travers? Ben, tu peux regarder, mais c'est. 19e siècle, je sais pas comment ça marche. De moi, un intelligence science. Ah oui, 4h30. Chris! Il y en a encore pour 5h32 minutes. Je pars à rire, on me rappelle. I think around 5 hours and 32 minutes. Just something like that. C'est bien un gaffe. Tu viens de rater ça. C'est Crick ici, ou? Ouais. I know lamp. Je le sens pas. Je le sens pas par embarrassment. I love lamp. Passion, I love lamp! I love lamp! I love lamp. A collection of antique oil lamps at home. Creep. Are you just saying I love lamp? Fait que, est-ce que vous commencez à aller tout droit et à chercher? Pretty much. Ok, je vais chacun un juste base power. Non, pas la rencontre. Power! Non, elle est pas mortée. Nope. Ça fait une heure qu'elle vous cherchez. You guys tell me when you get tired. What are you gonna do? I'm gonna follow you. Look around. This is insane, man. This is helplessness right here. What the fuck should we do, man? Should we just keep going forward or should we go back, yeah? Okay, fine though, man. I vote for going back. There's carnival music. You think we're gonna go back to the bottom? Where is it going from? Awareness. Alertness. C'est très, très, très faint. Where you is don't it? You don't need to roll. Music? La musique de carnaval. It's coming from back from where we came from. Right? Am I right? Right. C'est, ouais. From where we came from. Mm-hmm. From where we came from. I hear something. There's carnival music. C'est comme genre de la musique de carnaval. Pas de la musique de carnaval super creepy comme ça. Pas de la musique de cirque, là. Oh! Ça fait un peu médiéval, à la limite, si tu veux. OK. Mm-hmm. Fait qu'on va se ramasser à Carrefour, là, oh my god, what the fuck. Fait que, finir a l'air de savoir d'où la musique vient. Bye. De par mon shop, là. Moi, je suis curieux, puis je m'avance vers là, mais je reste wary de son shop. Parfait. Fait que, Finley goes off en raison. Mais du moins, il commence à s'en aller. Moi, je regarde Devro. Va où, derrière, ou... Ah ouais, il y a du chemin que vous en... d'où est-ce que vous en venez. It's coming from there, guys! Fuck Johnson, man. He's totally having a trip or something. He's leading us to our fucking doom. Dude, I drank something unknown. Of course I'm tripping. Yeah, but that's the only clue we have for a while, so might as well follow him. What do you think? He's got a point there. Mm-hmm. Can I go under these damn walls for like 30? You wanna go right 10 feet before? I wanna go right. I go right. Yeah, il a l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va. Comme là, il tourne à droite. Ok, we follow him. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sinon? La musique de carnaval devient un petit peu plus forte. Ça a l'air d'être flèches. Comme au loin, mais comme clairement, il faut vous rapprocher de la source de la musique. Là. Puis tranquillement, les murs commencent à smooth out, à devenir un. Tu sais, je veux dire, c'est comme de la roche, là, vraiment. Ça a l'air d'être façonné. Puis ça commence à se façonner un petit peu, puis à un moment donné, whoop, les murs, ça commence. D'une fois de temps en temps, t'as une brique. T'as un petit peu plus de briques, puis là, comme là, ça devient plus droit, tu sais. Comme s'il y avait une transition. Là, le plafond a l'air de devenir de plus en plus haut jusqu'à temps que ça sorte de votre range de vision. Nah, man, we gotta go back. Okay, I can go back. Follow. Ouais, ok. Finalement, ça, comme là, tout d'un coup, t'sais, vous marchez dans la terre un peu, puis là, whoop, tout d'un coup, ça devient des comme du cobblestone. Ok. You guys want to keep going? Le bruit est toujours plus fort. Ouais. I keep going. You keep going? I get a little bit suspicious, but c'est I toujours un petit neige, non? Non, là, c'est comme rendu un deux murs de briques avec du cobblestone par terre. C'est toujours très sombre? Non, il commence à avoir un petit peu d'éclairage ambiant. OK. Ça a pas l'air d'avoir une source, vraiment. Ça a l'air comme il fait un petit peu plus clair. Un peu plus clair, mais pas encore assez clair. Non, mais c'est pas comme daylight, là, okay. Fait que on utilise quand même encore nos lampes de poche. Je reste quand même vigilant, je regarde aux alentours, voir s'il y a quelque chose proche des murs ou whatever. La forêt, etc. Donne-moi un... Alertness? Alertness, ouais, encore. Oui! Tu regardes en haut, puis tu sais, t'as ta lampe de poche, puis tu vois comme rien, parce que c'est juste pitch black. Quand en descendant, pendant 2 secondes, t'es comme, wait a second. Puis tu regardes sans avoir ta lampe de poche, pour pas comme blind ta vision. You can see stars. C'est open, there's sky. What? When I'm gonna go back, I gotta go back. I ain't looking up, I gotta go back. Johnson, it's the stars. We're outside. I don't care. Il y a un petit peu plus d'air, comme l'air est moins stuffy qu'était. We're outside. We got out. Where? We gotta go back. Is it really important? We got out. Yeah, it's important. We gotta get the fuck back. Is Johnson having a breakdown? Is Johnson having a breakdown? You really want to go back in that labyrinth? Yeah, we can go back. Ah, parce que là, j'ai pris plusieurs pour moi. Ouais. Parce que là, mais c'est vrai, il y a marqué des. Ouais. Il y a marqué, c'est vrai. I think we gotta go with the flow, man. I think it's too far gone. We're too far gone. Not too. You're too far gone. Yeah, you're too far gone. Vous entendez des gens qui rient. People laugh. On est vraiment en carcosse en ce moment là-dessus. Moi, je gagne mon match. Genre pour avoir un moyen. Genre, puis un affaire genre. Hey boy, put your weapons away, guys. I think we're. Moi, je garde le shotgun. Moi, je range mon match. You want to go forward? Moi, je keep going. Go forward. Go to the party. Dans le fond, c'est que là, vous réalisez que dans le fond, vous êtes plus vraiment dans un tunnel ou dans une grotte. It looks like an alley. It's like you're like between two buildings. You keep walking and vous débouchez. Dans le fond, vous arrivez sur une rue qui est en cobblestone. Puis il y a comme oh, there's a lot of people here. Il y a plein de monde qui ont comme sont tous ils ont l'air d'être déguisés justement. Tu sais, style carnaval, là, comme les femmes ont des grosses robes, les hommes sont... Quel style? Style Renaissance? Genre Carnaval de Venise? Ouais, style. Tout le monde a des masques aussi. Surtout des masques d'animaux pour la majorité. Il y en a quelques-uns qui font un petit peu plus genre masque de théâtre. Tu sais, comme il y a des masques qui rient, il y a des masques qui pleurent, il y a des animaux qui ont l'air très, très lifelike. Il y en a d'autres que c'est comme genre des caricatures. Puis comme... Il y a du monde qui joue de la musique. Puis il y a du monde qui pitch des. Il y a du monde qui pitch des confettis multicolores. Un petit peu comme les confettis que Finley avait trouvé sur le toit du building. You know, people are having. There's like a. Il y a comme it's un party. Un carnaval. Il y a un party, le monde. Il y a des dry dates. C'est un gros lac dans le milieu. En plus, pas d'où est-ce que vous voyez. Vous arrivez vraiment sur une rue qui est comme en pente, qui monte. Les gens sont en train de monter la rue. Puis. Y a-tu la bouffe? Not that you can see. Is there it's breaking the house. Hmm? Is there that I can smell? Not that you can smell. So there's houses. Because we're fucking hungry. Ouais, ben, autour de vous, il y a l'air d'avoir des maisons. Il y a comme des espèces de banderoles multicolores qui sont accrochées comme en dessous des fenêtres. Puis il y en a que c'est des, il y a une couple de fenêtres qui est ouverte. Y a-t-il une procession qui passe ou c'est juste un party dans la rue? Ils sont en train de marcher. C'est comme un, pas comme un défilé, mais c'est comme du monde qui ont l'air de faire le party puis qui s'en vont peut-être faire le party ou qui. Mais il y a une direction. Ouais, ouais. Il y a du monde qui passe devant vous, puis il y a du monde qui vous regarde, puis il y a une couple de monde qui rit, puis qui vous pointe, puis ils continuent, puis comme. I like your costume, man! Shut up! Je regarde où est-ce qu'ils s'en vont, puis je regarde où est-ce qu'ils viennent. En bas, dans le fond, tu réalises que ça a l'air d'être comme un village ou une ville, que c'est dur à dire. L'architecture a l'air assez mixte. Ça fait un peu italien, ça fait un peu français, ça fait un peu, tu sais, c'est... Je suis pas un spécialiste d'architecture. Non, mais c'est ça, ça a pas l'air super homogène non plus comme l'autre. Je connais des glands. Au loin, il y a l'air d'avoir un lac. I need my whole head for this. Au loin, il y a l'air d'avoir un lac en bas. Puis vers le haut, ben, tu sais, c'est dur à dire parce que tu sais, la rue elle monte un peu, puis elle a l'air de se steady off. Tu sais, comme tu sais, il y a comme le, je vais pas dire le défilé, mais comme le procession, tu sais, qui le monde comme ils disparaissent là, un petit peu. Comme quand ils sont arrivés en haut, tu vois pas où est-ce qu'ils tournent. Mathieu, je considère l'architecture. Il y a pas peur. Hein? C'était des cobblestones, Max. I got guns. Ok, sure. Puis, pour autant que tout a l'air, tu sais, c'est pas normal. Comment vous êtes arrivé là, ça a l'air super weird, c'est pas normal. It doesn't feel threatening. Ok. Do we see twin green suns never completely setting? You look at the sky? Yeah. You want to roll some sand? That's great. Sounds like he does! Un des bons. Un des trois? Ok. Ok, you know, tu passes juste un, you know where you are. Arcosa? Yeah, there's two. Le ciel est comme une espèce de. Entre noir, nuit, puis comme une espèce de vert weird. Il y a juste en dessous du lac, il y a un soleil qui a l'air d'être soit en train de se coucher ou en train de se lever qui est comme d'une couleur verte. Puis il y en a un qui est juste un petit peu plus haut, mais pas comme, tu sais, pas pleine journée. T'sais, on dirait que les deux soleils sont soit en train de se coucher ou de se lever, ou ils sont comme. Ils sont tout le temps, never setting suns, ok? C'est toujours le même moment de la journée. Yeah. Perpetual twilight sky filled with black stars. I'm gonna try something. Je me mets au milieu de la rue. Mm-hmm. Je chope des airs. Le monde sont comme, yeah, puis ils pitchent des confettis, même, parce qu'ils ont comme. Y'a personne qui a l'air de réagir de manière genre oh! Personne a l'air d'avoir peur. Oh, y'a du monde qui danse à l'entour de toi là, pis y'a quelqu'un qui t'offre un masque. Un masque de quoi? Get an tour. Qu'est-ce qu'il y a sur le masque? You tell me. Face de girafe. Giraffe's are ass. Alors ok, I got it. C'est un masque de. C'est comme une espèce de face super stylisée de lion. Je prends le masque, mais je le mets pas. Ok. Le monde, ils se parlent, mais t'as comme. C'est, comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils disent, puis ils partent à rire, puis ils continuent sur leur chemin. Hein? Il y aura de parler quoi, une langue européenne? Ouais, ça sonne européen. Il est comment le masque, à peu près? That wasn't Russian. That wasn't Arab. Non, ça covers your entire face. Comme ça? Your whole face. Really freaking c'est pas comme un full helmet, c'est pas comme un casque. Juste la face ou c'est, je veux dire, est-ce qu'il dépasse un peu? Oui, il dépasse un petit genre la crinière est constituée, là. On voit le lac Pali pas trop loin, c'est en plus. Fait que, ouais, pis là, tu sais, la foule autour de vous commence à diminuer un petit peu, tu sais. Pis le monde vous voit, le monde vous remarque. La plupart du monde ont l'air de vous trouver très drôle. Mais y'a personne qui est, tu sais, qui. Moi, j'ai rangé mon flingue pour pas. moi, je commence à les suivre, ça. Ouais. J'attache le masque à ma ceinture, y'a sûrement une petite corde, j'imagine. Moi, ouais. J'attache à ma ceinture. Ok. Fait que là, dans le fond, tu sais, vous commencez à les suivre. Je prends un ordre mental de nos déplacements pour être sûr de pouvoir revenir. Fait que, tu sais, vous arrivez en haut, vous continuez à monter la rue. Moi, je t'aurais demandé si on devrait pas aller d'où est-ce qu'ils viennent avant. Non, ils s'en vont partir. Ah, là, ils sont rendus un petit peu plus loin. Là, vous prenez du retard. Si vous voulez les suivre, là, c'est maintenant. Il y a un flot de monde. Ben, comme, je dis là, comme la foule a arrêté, dans le sens qu'il n'y a plus personne. Okay. T'es rendu comme à la queue, si tu veux, du. Ah, ben voilà, la foule. Suivant. Ouais. Ok. On voit-tu un palace? Pas d'où est-ce que vous voyez. Fait que. Ben, vous arrivez en haut, puis c'est une espèce de grande plaza. Là, le monde s'arrête. Là, il y a genre, il y a du monde sur la genre de jongler. Il y a comme un gars qui crache du feu. Il y a. Un canard. Ouais. Il y a comme, il y a genre des buckets d'eau avec des pommes. Tout le monde sont comme, ah, c'est super drôle. On est capable de. Il y a un théâtre de marionnettes avec genre des petites marionnettes avec des bâtons qui se tapent dessus. Là. C'est des marionnettes de qui? C'est juste, c'est des papettes, là. Il n'y a pas le Yellow King. Il n'y a pas nous autres dans les marionnettes. Non, non. Des gars nous autres, ouais. Ça, c'est so funny! Ça aurait été creeping out. On était comme, oh, seriously? Il y a une espèce de gros, comme rack en bois, avec plein de petits crochets. Puis il y a plusieurs masques d'accrochés, t'es différents sous. C'est toutes des masques d'animaux, de personnes. Puis encore une fois, c'est un petit peu comme caricatural. Si j'en prends un, qu'est-ce qui arrive? Tu peux en prendre un. Ok, t'en prends un. T'as un masque. Un masque de quoi? Pour qu'on puisse se fondre. Un masque de quoi? Je prends un masque de rhinocéros. Parfait, c'est un masque de rhinocéros. Ok, moi j'en prends un aussi d'abord. Yeah! J'en prends un aussi. C'est quoi ton masque? C'est un coyote. C'est un coyote? Coyote, seriously. Parfait. Fait que vous avez toutes des masques, vous avez toute votre gear. Vous êtes comme, shit! Qu'est-ce qu'on fait à prendre des basques, man? Ben, moi, je l'ai pas mis. Je l'ai attaché à ma ceinture. Si jamais on a besoin de se fondre dans la foule, on va. Yeah! On se fond dans la foule, genre. Ben, il y a des choses à boire, il y a des choses à manger, il y a des petites tables de buffet. Par contre, on a faim, c'est que moi, je mange. Ok, on va aller manger. Je pense qu'on a trop faim pour pas. C'est parfait, fait que tout le monde peut en reprendre un autre 3 de. Wouh! De willpower. You feast. Ben, t'es pas jusqu'à exploser. C'est plus capable de marcher après. Puis, tu sais, je considère que ça prend quand même un petit peu de temps. Vous allez d'une table à l'autre, tu sais, d'affaires. Puis, tout, c'est bon, là. C'est de la bouffe, là. Tu sais, c'est pas. Il y a pas rien d'exotique. Mais je veux dire, à la limite, non, la bouffe est un peu exotique. Il y a beaucoup de choses qui. Tu sais, il y a beaucoup genre de dates, il y a beaucoup d'épices. Ça fait un petit peu bouffe style Moyen-Orient. Ok. Il y a beaucoup genre de curry. Y a-tu genre des pains plats, genre du dad bread? Sure, why not? Ok, je pogne une coupe de nan, puis je mets genre des dates dedans, puis je les roule, puis je les mets dans mes poches. Ça, tu fais des snacks, parfait. Genre, je le vois pas, puis je me ramasse une coupe de dates. C'est pas une mauvaise idée, ouais. Non, on a besoin d'aller dans les tunnels. Je me rappelle des tunnels, puis je me dis que, ouais, on sait jamais. On fait nos trench coats, c'est des dates. Je vais vous demander du alertness. Hey, you're stealing food! La crowd, elle commence à thin out. Il y a du monde qui finissent de faire whatever ils font, puis qui s'en vont, puis qui partent dans différentes directions. Hey guys, c'est une grosse place avec plein de rues. Je les avertis un peu. Hey guys, regardez, il y a au moins de monde. Là, je ne supporte pas de palais non plus, ce qu'on a en ce moment. Non. Même pas la plaza, c'est où il y a autour. Oh, tu comme tu dis des petits. Tu sais, il y a genre une coupe de pommiers. Il y a plusieurs autres petites routes qui s'en vont. Il y a ce qui a l'air d'être probablement des storefronts, mais comme tout a l'air d'être fermé parce que c'est un gros party. Puis... Il y a pas genre des églises ou quoi? Non, not that you see. So what are you feeling now, brother? Feeling good. Puis on n'avait pas intérêt à tenter avec le monde. Ben, you want to try? You want to talk to someone? Je vais essayer. Ouais, vas-y, go. T'accroches quelqu'un. Un feast or a show somewhere. Ah, t'accroches quelqu'un comme ça. Donne-moi un. J'essaie de voir. Tu peux voir juste une character sheet pour voir des skills. Qu'est-ce que tu m'offres comme skill? Parachuting. Parachuting. C'est le premier que j'ai vu, genre. Dommage! Ça devrait être dans. Ben, théoriquement, ça devrait être la linguistique qui devrait être une des sciences, théoriquement. Foreign language. Donner genre juste mon intel de base. Ouais, sure. Tu veux pour ça? Go ahead. Elle n'est pas pantée. Non. Tu t'accroches comme une. Ce que tu penses être une femme, ou en tout cas, du moins, elle a une robe et un masque. Donc, tu sais. Je pense que c'est une femme. C'est pas clair. C'est je pense que c'est une drague. Ah, c'est puis, tu sais, tu poses ta question, puis. À part à rire, arrive. C'est comme si. On dirait que tu as dit la joke la plus drôle au monde. OK. Arrive vraiment beaucoup de toi. Je ris avec elle. Puis là, ça va. Ok. En riant. Comme si t'avais en fait une joke. En demandant genre du sport squat. Il n'y a pas de gros crowd, ça, mais ça sent pour la même date. C'est tous des petits crowds qui s'en vont chacun dans la barre. Ouais. Finalement, il y a quelqu'un qui s'approche de vous qui est assez petit. Ça a l'air d'être un homme. Il y a un masque de. Ça semble être un hog. Un sanglier. Un sanglier. Puis, l'enfant, il vous approche, puis il fait « You gentlemen seem to be lost. You're not from around here, are you? » No, we're not. You should... What you should, gave it away? Oh, the fact that you're not wearing masks. Everyone is wearing masks. See? I knew the masks were important. So how can you speak English? I know many, many languages. We have many visitors here. Is this Carcosa? Sometimes. But you film other times? Yes, most of the time it is, yes. My name is Nos. My name is, Stefan. That's a very funny name. You must come from a very funny place. Oh, yes, very funny. Drôle que tu t'appelles Stefan. But you come, hey, this guy's name is Stefan. He's all right. Là, le crowd diminue de plus en plus. Le gars, il est parti, là. Non, il est encore là, là. Okay. Oh, non, il est disant quelqu'un d'autre. Is he gonna show himself tonight, or special occasion? I don't think so. The stranger is here, which is why everyone is celebrating. We're not... I mean, some people are mocking him, others think, you know, maybe he's an emissary, but I think it's just an excuse to have a nice party. What can you tell... What do you think about him? I don't really get involved in that kind of thing. I'm just a... I'm a leather worker. So you don't think about him? Not that much, no. Was he, It doesn't seem very important to me. Did he come recently? So you don't care about him? Not really, no. You're just profiting from the party? Yeah, of course. I mean, who wouldn't? I get what you mean. You were saying? So, did he come recently to, Carcosa? It's hard to say. It feels like he's always been here, but, you know, then again, maybe not. So are you looking for something? Yeah, is there going to be a party or special occasion tonight? Well, they're putting on... I think they're putting on a play at the palace, but I'm not going to go. It's too far. Sure, why not? Seems interesting. It's just... I have other things to do. I'm getting very tired. It's been a very long party. Ah, yes, I understand. Maybe... Il y a encore moins de monde. Quand, oh, c'est rendu... ouais, vous allez pas... Could you point us the direction of the palace? Yeah, we'd like to go see the play. Oh, the palace. Okay, yeah, I can probably show you the way. It's might be a little difficult. It's not always at the same place. It gets very confusing sometimes. Isn't it on the other side of the lake or something? It is on the other side of the lake, but the other side of the lake is initially on the other side of the lake. Ah, that's very weird. So where is it now? On the other side of the lake. So I mean the palace. It's on the other side of the lake. And where is the other side of the lake? This place? On the other side of the lake. But you said it's not always on the other side. Yeah, the other side is not always on the other side, but it's always... on the other side. So how can we get there? Well, you have to go on the other side of the lake. So we take a boat. Oh. You can, so or, can I mean, you can swim, but it's... Why can we take a boat, Nas? I can show you to the boats. Yeah, sure. Well, that would be very fun. Okay. Puis là, comme, là, tout d'un coup, vous réalisez qu'il reste juste vous trois pis ce dude-là. Il n'y a juste plus personne. Il n'y a plus de musique. Everyone's just gone. Okay, everybody's gone to the dance already, so... No, I think... I don't know. They went somewhere else. Could you show us the way, good gentleman? Yeah, of course. Yeah, sure. Just, you know, don't go back. Fait que là, il remet son masque, puis... Il commence à marcher. Allez-vous le suivre? Ouais. Mon masque. Puis je le suis. Tranquille. Ouais. On a nos masques. OK. Fait que vous marchez avec lui pendant... Je sais pas. Now you don't want to go ahead? Okay, whatever. Go with the flow, man. Go with the flow. Okay. C'est très, très calme. La ville est très peaceful. Une fois de temps en temps, vous pouvez entendre des gens qui rient au loin. Des fois, il y a un petit peu de musique. C'est quand même relax. C'est pas si pire que ça. I mean, you've seen worse. You've definitely seen worse. Like, this is not that bad. Je reste quand même on edge, malgré tout. Je raccroche mon chapeau sur mon épaule. Ok. Fait que vous marchez avec Nas pendant un petit bout, puis c'est souvent quand. Si vous lui posez des questions, whatever, souvent il part à rire, puis comme il trouve que vous avez vraiment un drôle de sens de l'humour, là. Et je lui demande en russe puis en arabe s'il parle le russe puis l'arabe. Non. Il n'a pas l'air de comprendre. Je lui dis, ça te tente-tu d'en connaître un peu sur ses langues-là pendant que tu marches? Vous il est curieux, là. Fait que ça, je le garde intéressé. Il apprend des mots. Je le garde intéressé. Fait que vous marchez sur une rue. Vous marchez sur une rue, puis à un moment donné, ça débouche sur. There's a big gate. Tu sais, style. Non, je pense que style Arche de Triomphe, mais plus petit. Un pont, okay, comme une grosse gate. Puis sur le dessus, il y a comme des grosses, genre, statues. Bon, ben, ça ressemble à. En tout cas. C'est gothique, là. Ouais, style, un peu. Des statues de personnes. Maybe more, yeah. Nice. Pas nécessairement. It looks to have wings. Mais c'est dur à dire à ce hauteur là. Tu sais, c'est... Je grimpe. Fait que vous arrivez à la gate. And Nah says, well, okay, well, I can't take you all the way. You have to go by yourself. Okay? That's very good of you, Nah. So the way, you're almost there. It's very, very simple, okay? You go Where through, do we get on the boats? You go through the gate. Point la gate. You go through the gate. After the gate, you keep going forward. You'll find a bridge. You cross the bridge. On the other side of the bridge, there's a garden. Okay, you go through the garden. Okay? Through the garden. After the gate, bridge, garden. After the garden, there's you'll come by the old amphitheater. You go left after that. And then you'll be at the docks. Left at the amphitheater. Okay, so gate, bridge, garden, amphitheater, docks. Left. Go to left the left of the amphitheater. Left of the amphitheater. All right. Well, you gentlemen have a good night. I hope you enjoy yourself. It was really nice meeting you. Hope to see you again, Nas. Puis il fait juste comme... You do good letter work. Il remet son masque, il fait juste comme sans la vie. Puis je lui dis, remember, never go back. So he's gone. Moi, je lève mon masque. Tu mets ton masque? Je lève mon masque. Should stay the mask from now on, what do you think? It's better blend in. Est-ce qu'il fait encore aussi chaud qu'il faisait avant? Ou... C'est la même température. Vous avez raison, ça fait peut-être une heure que vous êtes là. Il fait pas plus clair ou plus noir. Puis, il y a comme un soleil qui s'est levé un peu, l'autre est descendu un peu. Mais ils ont comme... Perpetual twilight, comme ça. Yeah. Moi, je me rappelle, c'est ça, j'ai lu le livre, fait que je me rappelle de tous ces détails. Oh yeah, you know where you are. You definitely know where you are. Ithil slash Carcosa. Yeah, you're pretty sure you're in Carcosa. Carcosa right now, what else? Mais pour une raison qui n'est pas très très claire, it doesn't bother you that much. You're just like, yeah, okay, I'm in Carcosa, yeah. It's pretty cool, man. I'm not dead, you know. Blur. It's not trying to kill me. Yet. At least it's not trying to kill me. Bon, c'est des key nails. Bon, j'ai tous les jumelles. Yeah, you've got binoculars. Oh, j'ai des night vision goggles. C'est pas ça. Ah, mais j'ai un climber's kit. Why do you know where we are, man? Because I read the book, man. Don't you see? So where are we? I read the book. The twin green suns. The place, the party, the stranger, the palace. Hey, t'as encore la mallette, toi, d'ailleurs. Ouais, ça le dit. I could show you your story. Depuis... Moi, je me tenais... Mais Chris, avec un shotgun, plein d'affaires, c'est toi qui double, là. Non, je trouve que c'est drôle que t'aies gardé la mallette pendant tout ça. Ben, c'est sûr. C'est excellent. C'est un chien. Je suis juste dans le green motherfucking shit que tu peux le donner à ASL, ça. Je trouve que ça rajoute aussi l'espèce d'élément, genre, c'est fucké parce que c'est genre ça qui est une bouteille, c'est genre la grosse bouteille, à tout moment, c'est chouette. L'autre bord du gate, there's a man dressed in a business suit that just kind of, you know, comes out of a side street on the other side of the gate. Comes out of a side street and then goes forward. And then, a suit? Oui, il est en suit, il a les souliers blancs. Forward towards us or forward? No, forward, away from you. And then he's out of your, de votre champ de vision. Moi, je marche vers la gate, en tout cas. Ouais. La gate, parce qu'il y a une gate ou c'est juste un portail? Il y a une gate, mais la gate est ouverte. La gate est ouverte. Vois-tu le bridge un peu plus loin ou... Je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes. Ok, puis ben, je traverse la gate, je check où est-ce que le stranger est passé. Ouais, c'est bien insisté, c'est le stranger, genre. The guy with the white shoes. Mm-hmm. The white shoes. It was written on the map. Sure, let's go. Ouais, ok. Je vais te prendre un alertness pour toi. Briefcase and white shoes. Non. Now non. You're the man with the briefcase. Ok, je vais vous prendre des alertness. Je vais vous prendre des alertness à vous autres. Des alertness à nous autres. Ouais. Parce que là, j'en viens sur la tête. Critique 02. Il y a son shotgun sur l'épaule. Je l'ai fait. Ok, toi, t'en es pas au courant. There's something swooping down from the gate. And it's going for Finley. Look up! Qu'est-ce que je vois? It's a big black shape. It has a very large wingspan. Je pitch ma mallette. Je pitch la mallette. À l'affaire qui s'en est. OK, dex times 5. Ben, y'a pas throw? T'as-tu throw? Non. Ok, fait que y a-tu un skill, toi? Ouais, un skill. Ok, fait que c'est Dex plus 10. Ta gueule, fucker! Bon, 24% au lieu de genre 70. Okay, let's go! Oh, 27! Oh, oh, yes. Fait que tu lances ça, tu lances, la manette est plus lourde que ce que tu te rappelais. Là. Fait que tu sais, il y a ton. Ça va le genre à 2 mètres. Ton throw est pas écœurant, mais juste assez pour que whatever is swooping down ducks a little bit to the left, ça donne une fraction de seconde à Finley de se tasser. Does he want to move? He does. Ok, you dive out of the way and something crashes down comme entre vous trois, tu sais, dans le fond, comme. And it's about as big as a horse, but it has wing and like a very pyramid-like head. Avec it's very black. It's very dark. Je dive, je fais un roll. Quand je me relève, j'ai mon shotgun dans les mains puis t'enlèves. Je vais demander un sand roll à tout le monde. C'est une horreur punienne qui est dans le livre ou c'est vraiment quelque chose de Delta Green? Je l'ai eu. Oh, j'en ai eu aussi, motherfucker. Ah ouais? Non, moi je l'ai pas. Ok, si vous l'avez, c'est 1. Si vous l'avez pas, c'est 1 des 6. Ah, bah oh! Ouais, ça commence à faire mal. J'en ai perdu 6 depuis le début. À la limite, ça a l'air d'être un cross entre une chauve-souris, un cheval et une praying mantis. J'ai juste perdu 2. C'est comme ça, a l'air d'avoir des mains un peu style avec des doigts genre humains, mais les doigts sont beaucoup trop longs. Avec les ailes ouvertes, ça fait un peu aile de chauve-souris, mais tu sais, je veux dire, le wingspan a l'air de faire à peu près 8 pieds. Là. Comme c'est. It's very big. Ça atterrit par terre. It doesn't break the cobblestone, but it seems to have a lot of mass. Ben, it, la tête, c'est une pyramide? Ouais, mais c'est comme ça, a une forme un peu pyramidale. C'est dur de voir les traits. Ça des yeux. It's not that you see I right away. In the pyramid. Il y a l'air d'avoir des espèces de. Comment je pourrais dire? C'est un peu une tête, un petit peu genre de fourmi, un peu insectoïde. Tu sais, ça a l'air mou, mais solide en même temps. Yeah, it's not something that... T'as perdu combien? 2. OK. T'étais bien silencieux, j'étais comme, that could be a 6, puis je m'en suis pas rendu compte. Non, Yondé est encore là. Puis, qu'est-ce que ça fait en atelier? And it shrieks. It makes shrieks. A horrible shrieking whatever sound. Whatever its face is, I shoot it in it. You shoot it? Okay, you. Okay, fait qu'on va aller dans le combat direct. Dumbass. Mais là, it's shrieking. It went for I want to silence when it. When an old lady shrieking at you, you're automatically sure? Okay, je vais vous demander vos... It's like that, maybe. The old lady looks like that and it almost killed me. I would have waited to see what was doing after the shrieking. Johnson, you're 12, t'as combien de dex? 11. Damn! Devro, you're 14, je pense? Okay, it's going to... So it shrieks. Okay. We'll yeah, we heard that. We'll get a splitting headache. Does it shriek properly? Okay, you guys are okay. It shrieks. But, tu sais, c'est ear-splitting, mais pas oh. Trop. It's like, I don't like it, I shoot it. So, Devro, yeah. What do? There's this shrieking monstrosity thing. Bonne question. Ben, je vais l'observer pendant un bout. Là. Pas, okay, okay. So you wait. Pretty much, je wait. Genre, je peux-tu okay. Viser? Ben, ouais, quand je prends mon gun, je commence à viser. Ouais. Mais je wait to see what it does. Au prochain tour, ça se fait un plus 10. Ouais, okay. So, Johnson. With fire! With fire! Tu veux que je fire? No, I said kill it with fire. Kill it with fire. Moi, je t'avoue que ma réaction, ça serait vraiment juste de genre. Sortir mon Mac 10, pis genre. Sauf que comme ça a des ailes, pis que j'ai encore ma tête, ça m'a pas trop rendu fou d'une claque, genre. Je pense que j'essaierais de viser, genre, une jonction de l'épaule, pis genre de la wing. So you are avec un full auto, genre 20 balles. So de you're also tel. Aiming? Finley! I just shoot. And you just shoot, fuck it. I mean, it dove for you. The one fact right. That he threw something is the fact that it didn't ambush you, okay? Because oh, you dove out of the way. Dans ma tête, je faisais un roll. No, you didn't do a rouge. You dove out of the way. Pas avoir fait un. Il atterrissait sur toi, alors. Ben, en fond, c'est que si je vais te donner, t'as le choix entre soit de shoot from a prone position, aucun malus, rien, parce que de toute façon, t'es proche, ou tu peux prendre ton tour pour te relever. I'm gonna shoot from prone. You're gonna shoot from prone. Dans le fond, je me suis. Oh! Je suis l'eau. Ouais, exactement. Pendant que tes deux bodies font absolument rien. Vas-y, t'as ton Shotgun Master Key. Ouais, t'es à moins 20. Ouais, j'étais à moins 20. C'est bon, parfait. Oui! Ouais, ok, ben roll damage. Come on, come on, come on! Ah, 7. 7. Il y a vraiment pris une débarque ici. Ok, ben you shoot it là, pis je veux dire, il y a l'impact de la balle, pis tu sais, ça a l'air de le blesser un petit peu parce qu'il shriek, pis. J'allais dire, il se retourne vers toi, mais il te regardait déjà toi. Tu sais, it shrieks, it doesn't seem to like being shot at, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas comme, il n'y a pas rien qui revole, it just seems to just take it. Ça sonne, ça sonne, puis comme l'impact sonne comme tiré sur genre du cuir là, ou comme it sounds leathery. Yeah, so it's gonna be its turn, and it's going for you, because you look delicious. Ok, t'as-tu dodge ou je sais pas c'est quoi? J'ai pas dodge, mais je. Il devrait être là. Je peux faire dex, c'est dex plus 10, c'est ça? C'est dex plus 10. You might, you kind of want to dodge. I just might get ben, lucky. Essaye-le. Ah oh, non, c'est vrai, j'ai moins 20%. Ouais, non. Fait que non. Non, ok. Ça m'a repris 0-1. It actually, it bites you on the shoulder. Ok, it kind of. No, exactly where I got hit! Oh, sorry. That's okay. Ok, the other shoulder. Pour balancer. Non, non, on va dire. Non, mais vu que t'es couché par terre, ça fait aucun sens. It's gonna bite you on your thigh, comme sur ta cuisse. Ok? Ah! Ok, fait que c'est 3. 3 damage. Ouais. Pis tu sens que tout d'un coup, tu sais, ça fait mal, ça devient très chaud. Pis tout d'un coup, ta jambe, elle commence à devenir très froide. It seems to be sucking the blood out of your leg. It's a vampire killer, kid! Fait qu'un autre 4. Sorry. It's using its bite attack. It's okay, I'm gonna die. I have a medical kit. Alright, so il est comme par terre en train de wiggle out. Il y a cette affaire-là qui essaie de manger sa jambe. It's Devereaux. Devereaux, c'est chaud. Ok, t'as un plus 10. Il a attaqué mon ami, si je shoot avec mon heavy pistol, 45 ACP. Nice! Max damage, ça fait combien? 12. 12? Let's pal. Y a-tu un kill radius sur ton ship? Non, c'est un piston. Ah. Juste un faut y faire, tu veux kill radius. Ok, fait que excuse-moi, t'as dit combien? 12. 12, ok. Pas de pénétration, je suis devant. Vu que. Pénètre! Vu que c'est un. Vu que c'est un crit, well, you shoot it and it kind of. It lets go of Finley because it jerks off because you shot it very well. Yeah, it bleeds. It's kind of a yellowish, sickly color. Comme c'est pas la couleur qui sort, c'est pas ça. Ça a pénétré là. Ça c'est pas comme liquide. Ça sort avec comme du... Non, mais ça sort avec une texture genre de custard. C'est comme du pus. C'est super épais. Ouais. Comme du pus, mais encore c'est industriel. Ouais, c'est ça. C'est comme du sang de bébé. Ça. Ça te vole, and it yeah, it's kind of disgusting. Ça a-tu l'air d'abandonner après, ou... No, it just looks more angry. Il se tourne vers moi, genre... Yeah, now it seems to notice you for the first time. For some reason. Johnson? Donne-moi intelligence times 5, parce que t'es pas dans l'action tout de suite, là. Quoi? Viser, genre, la blessure de non, la non, bébite? Non, mais vas-y, je te dis. Je l'ai. It completely ignores you. What's different from you? What was different from him? He drank the bottle. Il y avait une autre affaire. Il y a une autre affaire que Laurent, je sais pas, vous l'avez peut-être pas entendu. We attacked it. Pourquoi est-ce qu'il y a toi qui a fait... Finley did something. There's a reason why he was singled out at first. Il a mis le masque en premier. Non, moi j'ai mis le masque. Lui, il avait pas son masque. Moi, mon masque, il est juste levé. Ah. That, it, wow, could it just put be that? Put your mask on, you idiot! Put your fucking mask on! I need a freaking mask on. Mais en tout cas, faut que toi, tu utilises ton tour pour faire ça. Ouais, puis je le tire pas, finalement. Je fais put your fucking mask on! Je mets mon masque. OK. Je mets mon masque, puis je ready mon shotgun. OK. Et à retirer la bébé. Although you've attacked it. OK. So it's gonna go for you now. Mais j'avais déjà mon masque. Oh, ouais, non, t'as déjà ton masque, but you did attract his attention pretty intensively. Yeah, maybe I did. So yeah, it's gonna go after you. We'll see if it does anything. Ok, fait qu'il essaie genre de te swiper, de genre de comme s'il voulait te griffer, donner une claque. and it misses. You weave out of the way. Okay. It's your turn. Stop attacking it! Stop attacking it! You could try to dodge around it. I can try, I guess. Step back from it! Step back from it! C'est toujours dodge dex plus 10, genre? What? Ouh. Glorious! Non. Non, mais comme... Tu sais, peu importe où est-ce que tu essaies de passer, comme... This thing seems to block your way. It kind of moves with you. It seems kind of slow. It's not... Y a-t-il un building proche? Ben, y a la grosse fucking... Il y a des buildings à l'entour, ouais. Y a-t-il une dame qui est là pour avoir une porte ouverte, genre? Ben, y a des portes. Y a pas aucune porte qui est ouverte avec un sign marqué comme, tu sais, welcome. Y a juste des portes, genre? Oui, y a des fenêtres ouvertes. Ok, j'essaie de me pitcher d'une fenêtre, genre. Ok, mais là, t'as déjà essayé de faire ça. Fait que ça va être à Johnson! What the fuck can I fucking do, man? I'm a victim of my own success. Je lève mon masque pendant 2 secondes. Ok, t'as levé ton masque. Pis genre... T'as encore le temps de faire une action si tu veux, là. Sinon, t'es juste frozen in place. J'utilise la visée que j'avais pour juste... mold down, finalement. Let's go, vas-y, roule-moi ça, mon gars. Ça tire. Pas mon skill. Tu mets combien de balles, là? Skill de merde. Oui! Non, mais je fais mon... T'es full! J'ai full un fucking genre 20 balles dans l'air, là. Ou à voter. Puis je fail royalement. Non, juste 95. Ok, fait que you're hosing the place down, là, comme avec du gunfire. La this thing ducks down, weaves around, comme ça. It looks pretty smart. It doesn't look like a dumb, stupid beast. Je remets mon masque. Finley. Est-ce que je peux, genre, juste faire avec ta ta ta ta ta, ou si c'est vraiment juste une shot? Y est-tu marqué? Ben, moi, j'ai un pump action, je peux. Ouais, j'ai 5 balles. Mais y est-tu marqué? Non. Ok. You can shoot twice at half your skill. T'es pas encore prone? Oui. T'as pas une action pour le. Là, la beast, es-tu plus loin de moi? Parce qu'elle bouge un peu. Ouais, elle bouge un peu, mais. I mean, it's in ring. It moves pretty fast and it's pretty big. It has a long reach. Okay. Fait que tout le monde est assez proche de tout le monde pour faire chier tout le monde. Ok, j'essaie de scuttle out of the way, mais sans me relever complètement. Y'a pas de problème. J'ai toujours mon masque remis. Ah, tu remets ton masque. Je l'avais déjà remis à mon dernier. Je commence à scuttle away. Yeah, just back from it, just back from it. Put your mask on. Avec mon rhinocéros, on va pitcher avec la rhinocéros. It hisses at Devereaux and it's gonna go for him again. It doesn't seem to. It seems to not really give a fuck about you guys anymore. I pissed him off, go. Yeah. Okay, fait que là, c'est pas les bombés. Should we kill it or try and. You have dodge? Now is a pretty good time to dodge. I think we should think about killing it. Right. Just think about helping them. 94. You dodge into it, non, c'est vrai. You throw yourself at its maw. Hey, man. It doesn't do shit to us. Should we just put one kilo of plastic explosive on its back? Yeah, it makes a really... It makes a big gash across your chest. So, mon armor... I can't really move. But c'est combien? I can. What all the armor is that? Bah, c'est 5. Do you have a... Ow! You don't. Am I crazy enough to try? Okay, là, c'est à moi, ça veut dire? What? Ok, ben j'essaie de serrer à travers une fenêtre là. Donne-moi, qu'est-ce que tu me suggères comme skill pour faire ça? Il y a sûrement un. Throw yourself! Il n'y a pas de throw. Il n'y a pas de jump. Il n'y a pas genre athlétique ou non? Ça n'existe pas athlétique. Ouais. Ça va être, dans ce cas, ça peut être du dex. Dex? Ouais. Mon dex x 5 ou dex? Ouais, dex x 5. Oh, ouais, let's go. 0-7 critique. Fait que you scuttle back and you dive in an open window. You just dive into someone's house. Pretty much. And yeah, that's it. You dive in the house. Okay. Congratulations. C'est ta... Fait que là, dans le fond, toi, tu t'as la grosse... T'as Finning qui commence à scuttle back et comme à essayer de se pousser. You think it hit Devereaux, and then Devereaux just kind of went away. He just comme c'est dur, mais c'est dur parce que tu sais, je veux dire, there's the creature, there's you, and then there's Devereaux on the other side, and then you see him, and then he's just not there anymore. Ben, on n'entend pas genre le bruit de fenêtre. Hein? Non, il est une fenêtre, c'est comme des trois fenêtres. Ouais, il est juste. I sailed through an open window. Yeah! J'ai l'air de continuer à travers la fenêtre. Ben, ça se passe pas mal tout en même temps. Fait que pour l'instant, it's just standing there. Et théoriquement, il y a quelque chose qui bloque, là. Il peut pas passer à travers la fenêtre. Je présume qu'il est trop gros, là. I guess we'll see when it comes to turn. What? That's great. What does Johnson do? Je lève encore mon Mac 10, mais genre... Je continue juste à la même place, mais je fais juste attendre encore une fois. Alright, Finley. Your leg is bleeding, by the way. Je sais, ben c'est ça. mon scaling, vas-tu te rapprocher d'un mur? Ouais. Bon, je suis rendu, mettons, à côté sur un mur. Ouais, ouais, sûr. Ok, fait que je me fais du first aid. Ok. C'est juste... Ça fait que la roue, ça ceinture. Gotta stop the bleeding! Alright. Et je l'ai pas! Nope, it's still, you're trying to do something. La chose! C'est comme, tu mets tes mains dessus, mais tu sais, ça... Yeah, you're doing what you can. It's okay, you're doing what you can. Hey, attends, je peux le cocher, toi. Ouais. The thing... en fait, donne-moi du alertness. It gets closer. It kind of sniffs around the window. Ça bouge encore mon masque. It doesn't really look into it. It's just it doesn't stick its head inside. It's just kind of it stays there, and it looks. It doesn't look confused. It looks unsure. It looks hesitant. Ça voit un protecteur de la place, j'imagine qu'il n'est pas là pour te donner un So yeah, it's there. What do you do? Okay, you can hear it breathe. Je check dans pièce que je suis. T'es comme dans la cuisine de quelqu'un là. Il y a personne, mais tu sais, il y a genre, it looks like a kitchen. Il y a une door, j'imagine. What? Il y a une porte dans le fond. Ok, ben je m'en vais dans la porte. Tu peux, moi je considère que t'es comme caché en dessous de la fenêtre. If you get up, it's gonna see you for sure. Ok, je peux pas scaler sur le côté. Yeah, sure. T'as-tu comme du stealth ou hide ou whatever? Ça existe même pas ce qu'il y a là. Ah oui, c'est pas ça. Ouais, il est là. Non, j'en ai pas, mais. Tu peux essayer? D'explosif, c'est ça? Ouais. Come on! 71. Un petit peu paniqué, fait que tu sais, ton stealth cuddle devient un juste je marche à quatre pattes, je renverse des murs, puis je renverse des meubles, puis tu renverses une couple d'affaires. And it sees you, it screeches very loudly. But it stays there. And it just... Il hésite, hein, c'est it ça. It waits. And it's Johnson's turn. Comme tout, tu vois que the thing is in front of a window, and it seems to be thinking about maybe going inside, but not. It keeps going forward it's and then stopping. Thinking. Yeah. And it screeches. And then it screeches for some reason, and you can hear, like, pots and pans falling down. Je gueule, genre... Devro! I went for you near the gate with... Alright, fait que lui commence à crier. Speeding out! So Finley, what do you do? I did not understand you, man! Le first aid ou si... No. Faut à quelle gate? Je vais t'attendre proche de la gate avec Finley qui bleed out. Ok. On va essayer d'arrêter de bleed out à Finley. On va essayer de get out de la tête que je suis, là. Non, c'est ça, on peut pas vraiment faire grand chose. We pissed on the guardian. I do nothing. You do nothing, you just stay there? Okay. I keep pressure on the wound. Perfect. First aid. After a few seconds, the thing just kind of screeches again, then it flaps its wing, and it goes straight up. And it just goes away. Is it good? It looks like it's gone. Devereaux, I need help! Je lève lui, puis je l'amène vers la cabane, puis je garde des yeux dans les airs. Parfait, ouais, fait que... Et quand il me lève, moi, je fais... Mais c'est con! Genre, avec genre un apron dans le sapin. Y'a un pote dans le même. It's gone enough. Look at my leg. Yeah, he's fine. Look at my freaking chest, man. Yeah, you're holding yourself, you're bleeding, you're fine. Okay, I get it. Keep the masks on. Keep the damn mask on, man. Okay. Ben, je nous patch up, là, je pense qu'on va dormir là pour la soirée. Go ahead, roll him dices. Moi, je l'aide, peu importe ce qui se passe. Je l'ai le premier. Je me patch up moi en premier pour que je puisse genre faire du. Ok, sans passer, là. Attends, je me rappelle plus, c'est quoi? Il va se faire une chute, juste sur lui-même. Dude, you're bleeding out! Using skills, no opposed test, no time required, no. the turn, your... Puis j'ai mon medical kit, fait que théoriquement je peux le sortir. Ah, oh, y'a pas de problème. Ça me donne pas un bonus, ça? Un des trois. Non, ça te permet de le faire. Ah, ça te permet de le faire. Un des trois de que ça me donne. Un des trois, ouais. C'est quand tabarnak! Combien que t'as mangé de ton attaque? 5. Ben, c'était 8 au début, mais. Ton Kevlar commence à en arracher un peu. Ouais. À Finley. Finley's not doing so hot. I'm going in. Je l'ai. Parfait. Un des trois. Damn it, you suck! Les films d'Ali Dysus d'habitude, Chris. Mais là, Chris, on va être obligé de quasiment dormir ici, j'ai l'impression. Là. On a besoin de se reposer. Si vous voulez me donner du alertness all around the table. Chris, on a mangé notre plaque. Hein? Le lait. Oui, moi aussi. Yeah, there's. Okay, yeah, you see it. It's up there in the sky. It's up there. It's circling around. It's just it seems to be flying around. There's two of them. Oh. Nope, there's three of them. And now there's four. Okay, yeah, there's... Every time you look at the sky seems to move. There's either a lot of them, or it's the same one going very fast. Okay, so after the gate, there's the bridge. You guys want to go to the bridge? Yeah, can we rest? I think we need some rest, yeah. I think we need to fucking run. I can't. buddy, we're already in the nightmare. We can't get out of it now. We must go through all the way this freaking story that's madness all the way. No other way. You gotta what? Can't get out of here, man. We're already in the nightmare. Aren't you happy? It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. I could not say it there. Freaking stranger. Freaking yoking, man. It's not going to end well for us. We don't have the briefcase anymore, huh? Yeah, I think I'm sure that the creature fell on the street somewhere. I think I don't care anymore about those things. Should I go out there? If you want. You want to grab that shit? Seriously? Maybe try. Maybe we must go out sometime so we'll see if this creature is coming down. We could build a fire with it. So, did you make a decision? Yeah, moi, je pense qu'on va faire un test, voir si la creature est juste après l'eau, ou juste après Abe, ou juste après moi, ou après toutes nous autres. J'ouvre la porte. On est pas trop en état de faire quoi que ce soit, j'ai l'impression d'en être moins. Puis je regarde, voir si je vois la briefcase dans la rue, parce qu'on l'a laissé tomber dans la rue. Yeah, c'est une mystère. Ouais, c'est comme à côté de la gate. Là. L'as-tu détruit, la creature? Very stupid case. Genre, ben tranquillement, regardant dans le ciel, je me commence à me déplacer vers la briefcase. Nothing happens. Still have his mask. Tu es rendu à la briefcase? Ouais, sure. Je ramasse la briefcase. It feels like a briefcase. It's kind of heavy. It's kind of heavy. Je commence à remarcher vers la cabane. Ouais, c'est chill. Moi, pendant ce temps, je me sens dormir. C'est bon. Là, tu sais, you're undrunk. Fait que t'as plus ton moins 20, mais t'as plus ton plus 20. Yay! Plus moins 20, plus 20! On va mourir! On dort un autre 4 heures. C'est comme vous voulez. Vous pouvez vous reposer. Oh, ouais, vous pouvez, On va se reposer encore de 4 points de dommage encore. Okay. Je vais m'en faire. Mais, tu sais, je veux dire, pour healer, c'est. It's a matter of days. Là. C'est pas genre. On n'est pas dans un JRPG, c'est pas juste comme tu restes puis tu prends ton temps. Il n'y aurait pas, je peux pas en faire un autre jet par la suite. Même pas s'il fait de l'argent de la médecine. It's gonna speed up the healing process, but it's not gonna heal you magically. Fait qu'au moins, strenuous activities for future days. Fait que vous gagnez pas de willpower, mais vous en perdez pas. That's gonna happen. Comment on garde pas? Si vous gagnez pas de willpower, mais vous en perdez pas non plus. Je vous en aurais fait perdre éventuellement là, mais là vous avez. Moi, je continue à aller faire des expéditions, retourner à la place qui avait plein de bouffe, puis ramener des épices. Puis c'est bien chill là. Y a on était dans une cuisine, voir la bouffe qu'on était. C'est chill. Vous pouvez manger, si vous voulez. Y a-tu genre un escalier qui mène à un deuxième étage? Ouais, chill. Tu as exploré, genre voir s'il y a du monde. Yeah, sure. You go upstairs. There's a bedroom. Y a-tu du monde? No, there's no one. Look at that list. Fuck it. Ouais. Y a pas de problème. Hey, you want to sleep on the ground? I'm going to sleep on the bed. Fait que, ouais, fait que vous dormez un petit peu, vous êtes un petit peu reposé. Just freaking see the light. C'est juste le sang rendu sec, là. Le sang rendu sec. Ouais. Là, moi, j'ai pas tout cleané ça, puis des bandages. Ouais, ouais, mais you guys are... You... I'm bleeding out again. No, you're not bleeding out. Tu un puits pas trop loin, genre? Oh, we're not bleeding out. Non, not that you need to find out. Ben, je change les bandages aussi. Il y a rien à boire à la place qu'il y avait de la foudre. Ah, tu retournes jusque là-bas? Ouais. You're not sure you can make your way back. Ok, fait que je vois pas. On était dans une cuisine, voir de la bouffe. On était... Oh, il y a de la bouffe, il y a genre de l'hydromel. Nice. Oh, il y a une carafe avec de l'eau. Ben, on peut se reposer là comme quelques heures, puis se sustenter, puis après ça repartir. Bon, pour quelques heures. Ok, fait que vous chillez là pendant un petit bout. Ouais. You get your strength back, and you head off. Change the bandages. You go through the gate. With our masks on. Are we already? No. On n'était même pas dans la gate. Si, je pensais qu'on allait traverser la gate. On n'était même pas rendu, man. Ok, fait que vous êtes au gate, alertness. Toi, t'avais gardé ton masque, puis ça sorti quand t'es sorti. Je l'ai même critique, c'est un cinquième. Hein. Ouais. Mm. Ah non, c'est 1 à 5. Ah, c'est 1 à 5. C'est 1 à 5, that's it. There's one of those things is up there on the gate, just sitting there. It's looking down at us, eh? It's not really doing anything, so it's just kind of sitting. I wave at it! It doesn't seem to notice you. Are you teasing the guy? Yeah. It eats your soul. No, it doesn't do anything. I wave at it with my mask on, and then I do this, and I walk on. Then you go through the gate. You walk forward. After a few minutes, you come upon a stone bridge. Il y a un canal avec de l'eau. C'est quand même, ça a l'air assez profond. Tu sais, entre le bord du canal et l'eau, il y a peut-être une quinzaine de pieds. C'est un pont, mais c'est pas comme un pont avec des remparts. C'est vraiment juste comme... Comme le pont en Seigneur des Anneaux, genre, you shall not pass! Kind of like that, a little wider. C'est comme il y a de la place pour une personne, tu sais, c'est pas genre... Okay, mais tu sais, c'est vraiment juste comme une espèce d'arche de pierre. Là. C'est-tu long? C'est long. Ah, oh, une vingtaine de mètres, là, facile. Vingtaine de mètres? Oh, ouais. And is there a bunch of bodies in the river? Nope. Passing around? Nope. That's disappointing. Karen is not passing? No. So we go through the bridge? Go across the bridge? Yeah, with you. Yeah. You sure? No, I swim too. You sure you want to go across the bridge? Yeah, we go across the bridge. Okay, you go across the bridge and it's all fine. Because we got our masks on! And then we gotta go through the garden. Through the garden and then left at the... After the amphitheater. Okay, je vais de... After the amphitheater. Je vais demander... Okay, fait que vous arrivez à un garden. Ça fait, tu sais, genre garden avec... Tu sais, il y a comme plein de haies qui sont comme taillées genre en forme d'animaux. Puis, tu sais, il y a genre des... Il y a comme des statues... On dirait que c'est fait en marbre. J'ai encore la lampe à nous. On dirait que c'est fait en marbre. C'est très naturel quand tu dis ça de même. Je regarde pas les statues, puis j'avance, puis je fais juste traverser le garden. Je le suis. Ouais. Yeah, we follow you. Parfait. Quelle excellente idée. Puis je touche même pas mon masque, je touche même pas mon Mac-10. Je fais juste genre... I'm just gonna go forward. J'utilise mon flamethrower pour crisser le... c'est celui que j'ai pas, là. Je vais demander un sand roll à tout le monde. Pour un sand roll! Not one of those again. Hey, je l'ai eu! Je l'ai pas. Oh, le livre. Ok, You think you recognize something in the garden. There's a... Yeah, there's that yellow-dressed person just... We're not even looking! ...in the garden. A yellow-dressed person? Yeah, kind of like the guy you saw in the reflection of the mirror earlier. It's just there. Oh, yeah, the yeah, mayonnaise. Mayonnaise-colored guy. Okay, he's a full row. Yep. Nothing. Yeah, he's just standing there. He's like, he's a few feet away. And what does he do? Nothing, he's just standing there. He's not doing anything. What do I see? What do I see? You follow him? What do I see? What do I see? You see it? Oh, I see it too. Yeah, I follow him. Moi, j'ai manqué mon jet, je le vois tout. Non, vous le voyez tous? Attends, wait. Is he straying us off the path? He's just there in the garden. But not through the garden. He's not moving. He's just... said, follow the damn path, so we're gonna follow the he's damn just path. There. Moi, j'ai dit que je regardais rien, puis que je continuais tout droit. I follow that guy. Rien, puis je continue tout droit. Parfait. I do this while passing. Don't even attempt it. I'm not watching him. I just do this while passing. Puis j'ai mon masque. Puis je touche pas mon masque. Mon masque, c'est un coyote. Je suis fier que mon masque soit vous, un coyote. Vous arrivez à ce qui a l'air comme une espèce de, d'amphithéâtre romain. Tu sais, c'est vraiment comme avec tu sais, comme des escaliers, yeah, mais qui sont comme des bancs. And there's comme dans les steps, il y a un there's a mask on the ground. C'est un masque avec un genre une espèce de face de clown avec une larme, là, comme en forme de diamant. Hein? Mm-hmm. And it's just it's there. We keep cool, going on ahead. You keep going, fine. Without stopping. Left. Non. Peut-être, s'il y a un masque qui traîne là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a enlevé son masque et qui ne peut pas continuer. Peut-être que c'est là qu'Abigail ou Clara est, genre. C'est peut-être soit un indice, soit genre un. C'est ça la logique qu'on trouve maintenant. Il y a un masque qui traîne, peut-être Clara est passé là. Wow. We went a long way. Yeah. I don't think we're going to find Laura. Remember when we did the simple investigations? That was a good time. I don't think we're going to ever find Laura. Remember when we did background checks on people who bought too much fertilizer? Yeah, that was awesome. That was awesome, man. That was easy. That's our wheelhouse, man. That was nice. Remember working in a cubicle? Okay, fait que... I miss my cubicle. Fait que vous continuez votre chemin? Yeah, we'll go left. Vous tournez, vous avancez un petit peu. There's a body in the street. There's something like a man, body. Man, someone like that. It looks like a man. Is it the man with the suit we saw earlier? No, it looks like a guy in a like a jumpsuit. AT&T. Like overalls. Maybe? It's AT&T. Like overalls. Yeah, maybe overalls. It's kind of far. It's kind of dark. It's hard to tell. I get closer. You get closer. Yeah. Get closer. I look at the AT&T logo. Yeah, it's a. It does look like a dead cable guy. It's AT&T guy. Oh, God, you want to turn him over? Yeah, why not? He's face down. Why not? Je vais te demander un sand roll. And I don't get it. You don't get it. Just two. Two. Yeah. Just two. Something probably bit his face off. Ooh. You can see bones, and it looks he's been dead for some time. Il y a un petit name tag. Il marqué Langford on it. J. Langford. And he's pretty dead. C'est un nom qu'on est supposé connaître, ça? What was it, the play or something like that? It was mentioned on the play. The play, the last play. Langford! That Langford guy is getting to be a real pain. I had to ditch him up on 6. I feel sorry for him. He should find a nice room and just settle, you know? The asshole creeps me out. So we know what happened to Langford, at least? Yeah, that's the last one we got. Sixth floor and happened here. You want to search his body? Hey, why not? He's got a il y a une couple de tools, genre un wire clipper. He's got a working a work order for dated July 2nd. Now it's August 9th. 1998. Yeah, August 9th. Why we care? It's actually August 11th, I think. Yes, il y a un work order. Il était supposé aller débrancher le téléphone, le service de téléphone au McAllister. Parce qu'ils payaient pas leurs bills, c'est vrai. Oh my god. And he somehow got into cartels. Poor AT&T guy, man, he did not see that one coming. It's gonna be a normal job. The thing I'm wondering is how we got in the tunnel to lose. I'm not paid enough for this shit. What I'm wondering is how we got in the tunnel without breaking through the wall. Is that, he found another way? Is that really relevant? No, but still, I'm wondering. Hey, I got 23 cents. Sounds like that's what I'm wondering. How did he get in there? Was he the one who started smashing? But he found another way instead? Or did he get walled in and then someone else tried to save him? It's not, selon mon opinion médical, it's not been bit enough la face par un des. Roll moi medicine, pathology, or whatever. Je vais te donner. C'est juste ça qu'on trouve, yeah, his. It looks like something just ripped his face off with a giant hand. A giant hand? Probably it's probably one of those flying thingies that just decided, you know, fuck this guy. He did not wear a mask. Maybe he lost his mask in the amphitheater. Like he said. That's why. He was dressed as a fool after all. All right. Where did he get that? Est-ce que... Moi, je ramasse les petits outils. Mais tout a fait ton sang. Mais vous autres, si, faites-le. Faites vos salons, parce que it's pretty gruesome. Oh, je l'ai. Tu l'as? OK. Tu peux te mettre un troisième check pour helplessness. Oh, ça me déclenche sur... On verra à la fin. Ouais, ouais. Moi, je l'ai pas. Tu l'as pas? OK, tu vas perdre juste un. Je suis rendu blasé, là. T'as tourné jaded. C'est pas juste, moi, j'ai perdu. C'est toi qui l'as tourné. Because you're still a human being. Yeah, right. He's getting super jaded. He's just coming out, just one more dead guy. Oh, fuck that, man. This is a mess. Fait que vous continuez, là, tout d'un coup, hop, là, la rue commence à descendre, puis vous arrivez au bord du lac. Ouais, chose ouais. Qui est comme vraiment. On a tourné à gauche, là. Ouais. Vous arrivez au bord du lac, chose qui est super bizarre, parce que dans le fond, de la manière que vous gardez ça dans votre tête, quand vous êtes arrivé, le lac était comme à votre gauche, puis vous en êtes tout le temps éloigné, puis là, vous arrivez au bord, comme it makes. Spatially, it makes no sense. Yeah, there's a... It's a dock? Ouais, il y a des docks. L'eau est très, très calme. Il y a une couple de bateaux. Genre, il y a des barques, il y a des petits bateaux à voile. Il y a... Challenge ce qui reste de, ce qui me reste de cigares. There's no more cigars. Hey! You smoked the whole thing. Hey! You smoked the whole thing. I thought I kept a part of it. Nope. You must have lost it when you were trying not to get killed. There's nobody there? Nope. And none of us got to navigate. Okay, then I grab some grass and I roll myself a cigar. It should be easy. It's a freaking lake, man. Le lac, il me dit quelque chose? No. It's called Haley, I believe. Yes. Does it? Yeah, it does. Yeah, I figured. It looks very, very familiar. It's called Haley. I don't want to take the rowing one. I don't want to take the rowing one. The lake has a pretty girl name. It's Haley. Toi, tu veux qu'on essaye de prendre le bateau à voile quand aucun de nous qui a dû naviguer? I've had a dream about that lake. I've had a dream about that lake. It was not a good dream. What kind of dream was that? Complètement l'autre côté. Complètement l'autre côté du lac. Complètement l'autre côté du lac. Vous pouvez voir ce que là, une espèce, ça ressemble à un espèce de palais comme oriental, tu sais, comme il y a beaucoup de dômes, puis de spiral, puis de. It looks very roundish. C'est des feux d'artifice? No. But it looks like there's light, that's for sure. Mais il n'y a pas de feux d'artifice. Puis le lac est still, il n'y a aucune vague, c'est. C'est like a giant. Genre. Like a giant puddle. I think there's something in that lake. No shame. I was on that lake in the rowing boat. Okay, I'm gonna read about it. Bref, je vais raconter mon rêve. Okay. So you're saying we're fucked. If we cross the lake, we're fucked. Yeah. And if we don't cross the lake, we're fucked. Maybe, but so in my dream, I didn't have a mask. Or did I? Nope. I didn't have a mask. But there was definitely something in the water. Sits in a boat, moving across a lake. He looks down in the water and notices huge creatures swim under. That's great. One of them rises out of the water, looming above him. Finley throws himself in the water, falling on until it becomes mist. He finds himself walking in a cemetery amongst the graves. He comes to a familiar corner of the cemetery, and all the markers around him are names known to him. Family, friends, finds his grave and knows that his death will herald the coming of the king, so let's kill the guy. That's great. Yeah, the thing in the water, it's huge, and it kind of... I remember coming out of the water and looming over the embarkation, so I kind of don't want to cross the lake, but now that we're here, I guess we don't much... Whatever you do, don't remove your fucking mask. That's for sure. You guys want to pile up in the boat? Yeah, il y en a déjà assez gros pour trois. Oh, right. Il y en a même un avec trois sets de RAM. How convenient! Let's take that one. It's painted yellow. It's a sign. Let's not take that one. That's great. All the boats are yellow. Especially that one. Color. It's yellow. That one is even mayonnaise yellow. That is it's mayonnaise yellow. Little pus yellow. You guys get in the boat? Est-ce que tout le monde rame? Ben oui. Sure. One set de rame. Okay. Fait que constitution times 5 pour tout le monde? Constitution times 5! Let's do this. No! Moi je suis correct. You're getting a little tired. Just aren't they? Willpower. C'est le plus gros, le plus fort, parce qu'il y a une conditions. Fait que je vais demander power times 2 à tout le monde. Times 2. Nope. Fait que ça, fait que, tu sais, vous ramenez pendant à peu près, tu sais, le lac, pourtant le palais n'a pas l'air si loin que ça, mais tu sais, vous ramenez pendant à peu près une demi-heure, puis you're getting closer, but after half an hour, you're kind of expecting that you would be a little closer than what you are. Still. Mais tu sais, you're Finley, making way, for watch. Sure. I'll keep rowing. Keep watch. We brought food, right? Fait que continue à ramer. Je vais demander un autre. Un power times 3. Give me another cinnamon stick. Power times 3. What? Nope. Oh, je l'ai. Je l'ai pas. Something passes under the boat. Something very, very big. Heads up! Tu sais, comme. Hop, en dessous, hop, tu passes en dessous. Tu sais, tu vois juste. Tu rentres, tu penches, tu vois quelque chose qui passe en dessous. Heads up! Puis je veux dire, ça a comme la. Grosseur, tu sais. Un Leviathan. Non, tu sais, genre, ouais, tu sais, comme baleine à bosse size, là. Comme it's very. Tu sais, genre, gros comme un autobus, là. Don't worry about it, guys, but. Just keep going. There's thing under. C'est genre que on le bateau il descend d'une shot après que ça soit passé. Hein? Yeah, c'est genre que le bateau il descend d'une shot quand genre quand la créature a passé tellement ça descend. It's big and slow. Large displacement. Fait que continue à ramer. Keep rowing. Un autre petit constitution s'il vous plaît. Je commence à chanter row, row, row. Everyone loses sanity. Oui, je l'ai eu là. Oh, crit. Parfait, tout le monde rentre, c'est bien correct. Roll, un autre petit 20 minutes. It's kind of far from you, but it's kind of close. Something rises a little bit out of the water. Tu sais, comme l'eau est plate comme ça, mais il y a comme une place qui est comme une bosse un peu. Mais it doesn't break surface tension. Comme l'eau reste dessus, tu sais. It's a Loch Ness monster. No, it's worse. It's coming towards you, and it's getting a little faster. Should we dodge with the boat? Okay, it's coming. Yeah, it's coming low. Okay, it's coming fast. It's going faster and faster. It's coming your way. And puis on est vraiment loin de la. Yeah, and you're rowing in a boat. In the middle of the lake. In the middle of the lake. Right. And the lake is middle. The pass is still very far. Right? It's not that far, but you're not gonna get there before it. If it's going for you. Well, so let's keep rowing. What else you want to do? Keep your masks, row the boat. We'll okay. Je vais demander Dex times 3 à tout le monde. And I don't get it. Okay. Je l'ai pas non plus. Moi non plus. Fait qu'on vole tout en bas du bateau. Y a personne qui l'a? Non. Shit, c'est atroce. Okay, non. I'm kidding. Okay, so it dives, it goes under the boat. Mais juste avec toutes les vagues, ça, the boat actually tips over. Everyone falls in the water. You lose the briefcase. No! Parce que je considère que tu rames, là, t'as pas la main dessus, là, dans le bateau. You can still dive to get it. Je vais demander du luck à tout le monde. Nope. Je suis vraiment. Ok, you two pop back up, vous êtes dans l'eau, vous êtes comme à côté du bateau. C'est dans du canon. Puis, tu sais, je veux dire, Finley, il y a beaucoup de stock là, strapping après lui, là, tu sais. Fait qu'il. Holy, he's not coming back up. Y'a-t-il quelqu'un qui a du swim? Genre. Je redive. Ok, fait que toi, je vais te demander un swim. Toi, je vais te demander. Around, je vais te demander un swim. Je l'ai pas non plus. Tu l'as pas non plus. Constitution times 5. Keep running, you want to get that one. Oh, crit! Pour moi, okay, you're fine for now. Moi aussi, un constitution times 5? Non! Je vais te demander un. Tout est genre tout seul, pis t'es comme. Teddy! Johnson! Je look around, là. Running water. There's a huge thing in the water with you, by the way. Ok, pis elle est pas sortie encore. Non, elle est juste passée. Elle attend que lui sorte pour le loomer. T'as-tu ton masque? You want to swim? J'ai pas perdu, j'espère. You can give me another swim? Toi aussi? Je l'ai pas de non. Peu. Constitution times 5. Puis moi. Non, t'es correct. Moi, je considère que entre tes swims, tu sors quand ton souffle. Okay. Everything is dark. You're pas going réflexe down. De... Ah, j'attends. Attends, sont les. Tu vois le réflexe de pichet, la paire d'or, tes armes. Oh. I will die before I check my weapons. I'm sorry, I just need to. I'm sorry, I just need to. Don't be, it's fun. I'm used to dying in this. Getting insane. Compulsions. Suddenly I almost got killed by a telephone. I almost got... Do I see this? So I'm drowning him. Please. Ah, there we go. Un des six. Un des six quoi? Un des six, the damage. Oh, nice. You're starting to drown. Four! Okay, swim, Max. Swim check. Swim check. Swim like the wind. Swim like the wave. 14, je l'ai. Okay, you do find him. He's genre en bas, puis il commence à. You grab him. Okay. Je vais te demander. Un autre swim. Yeah. Swim at half skill. Non, swim. Max, il l'a poigné, là. Il a trouvé. He got me. He's drowning. I'm drowning, but he got me. T'allais-tu du swim, Max? Non. J'ai 20% de swim. Yes, papa. Puis j'ai pogné 24. Ok, fait que. Constitution times 5, constitution times 4. Le bateau, il est encore là? Oh, ouais, juste il est over. Juste à l'envers. Oh, j'ai de 1! Là, ok, spike, 1. Je suis capable de me rendre au bateau pendant bien comme tout le monde. 1. Je suis capable de me rendre au bateau pour essayer de... Oh, ouais, c'est pas difficile. T'as juste à donner un bon swing dessus puis il reprend. Ok, un autre, chacun un swing. Ah, je peux faire ça? Yeah, sure. Actually, C'est, n'oublie pas que c'est genre dex times... C'est dex plus 10. Non, non, c'est strength plus 10. Please. Strength plus 10 pour toi, est-ce que l'eau est 28. Pour que je vois. Moi, je vais être 28. Oui, it's really dark water. C'est t'as plus que moi. Go max. 35, je l'ai pas. Constitution times 3, constitution times 4. And I'm dead. Mais je l'ai eu, mon jet. Il te reste combien de health? 3. 3? Lance un des 6? Oui, Jesus. I'm dead. No, you're... Ok, no, you're... It's fine, you're at minus 1. Minus 1. You drowned. Times 4. 80, you never chuck your weapons. 18 x 4, je l'ai pas, je pense. C'est 78, je pense. 72, puis j'ai 80. 80? Ok, constitution times 4? On pense que j'ai rien de ça. C'est pas parce que je suis en train de traîner quelqu'un qui drown, genre. On est dans le fucking King Yellow pour de vrai, genre. I'm gonna make it! Crit. This time we're not gonna make it. He breaks water. And he's holding him, and he looks kind of bluish. Tu peux-tu le poignet de la rame? Ouais, dans le fond, tu es aidé à retourner dans le bateau. Ben ouais, c'est sûr. Now it's time for CPR. Tu peux-tu la dernière beer, eh? Ah, je dirais pas non. C'est quoi? Save me first! Tu t'es quoi? T'es à moins un? C'est first aid, il m'a laissé dans ce mois-ci. First aid. Ok, j'ai juste 60. Ça me dessine à plus. Calisse! Tu l'as pas eu? Ben j'ai eu 10, j'ai okay, juste 60 en first aid. We're not done. T'es rendu à moins 2. Thanks bro, pour la bien. You wanna do another first aid? Ouais. Ah, je peux en faire un autre là. Let's go. T'en fais tant qu'il n'est pas resurrect, bro. Oh yeah, je l'ai! C'est là qu'il brasse le cocher. Brasse ton dé. Tu le coches quand vas-y. Je brasse quoi, là? Brasse ton D6. D6. 3, fait, non? 4! 2! J'suis à 0! T'es à 0, parfait. He's alive! Stabilize! Il a craché l'autre de ses poumons, puis il a vécu, mais il est comme knocked out. Ouais, pour l'instant, il est un peu knocked out. Ah, ouais. Moi, je trust pendant que tu fais ça. Ça s'est joué sur 1 HP. You okay, Johnson? Vraiment? Parce qu'en dessous de moins 3, il n'y avait pas plus tanné. C'est pour ça que j'ai continué à faire. J'étais comme, non, you're not quite dead. Not quite. I saw the yellow light. Yeah, at the end of the long, muddy tunnel. Okay, so, you're not dead, man. Chris, mais on a passé à travers des estis d'affaires de trois, là. Calice! Vous, you keep on rowing? Ouais, yeah, yeah, lui, il reste encore en dessous, puis on se voit le bout, puis on... Moi, il y a comme encore un petit filet d'eau qui coule de ma gueule. Je prends la corde de que j'ai, je nous attache après le bas. That sounds like a horrible idea. Peux-tu lui donner quelque chose dans mon medical kit, ou ça va pas grand chose? Adrenaline! Ouais, oui, tu pourrais donner une chat des pipettes. Tu as des pipettes, ok? C'est de l'adrénaline, là. Faut-tu que je fasse un jet quelque chose, j'ai déjà? Fais un jet de pharmacologie, puis je vais te... Bon, je vais te mettre ça, là. Pharmacie... 90. Nope! I did not get you that. Give him a tetanus shot. Comme il est vacciné. Il est tetanus. Il est vacciné, il n'y a pas de problème. Mais il n'attrapera pas le tetanus. Thanks, bro! I didn't want to get that. I feel way better now. Dans le fond, c'était, il avait marché sur un clou, genre, plutôt, il allait mourir de tetanus bientôt. Je suis pas sûr qu'on a tous nos masques encore. J'espère, là. Ah, ils sont mis de bien tenir, ces masques-là, parce que Chris est en train de nous nailler, genre. It's glued to my face. OK, so, fait que vous arrivez, dans le fond, au pied qui donne sur le palais. Finley comes back to himself. I do? Yeah, you do. Donne-moi un des trois, s'il te plaît. Puis je vais juste donner ça ici. Je peux pas faire un médecine dessus pour l'instant. Ça sert à rien. Deux. Donne-moi un, encore un des trois. Deux. Puis t'as 10 de constitution. Au lieu de 12. Permanent? Maybe. Mais il faut que tu peux train long term treatment. Moi, je peux rien faire de, au niveau médical pour moi encore. Nope. He clearly got hurt more than you thought he did. Il a peut-être frappé une roche dans le fond. There's... Yeah, he doesn't look super cool. Aussi, le fait qu'il y a comme 20 minutes qu'il était mort, là. Ouais. 20 minutes? Ben, je veux dire, le temps que vous finissiez de ramer et vous rentrez là-bas, il est pas mort pendant 20 minutes, là. Il est mort pendant 15 secondes. Ok, quand même, là. Mais ça le temps que je ressorte de l'eau, genre. Il y a 20 minutes, j'étais mort pendant 10 secondes. C'est pour ça que tu peux mettre du brain damage, puisque tu gagnes. I don't need to sleep! Il a manqué d'air dans son cerveau. C'est pour ça que ça va être du brain damage. Ça peut être du brain damage. Parce que j'ai gardé la consigne, non? Fait que vous arrivez au palais, you're dripping wet with water, you're tired, you're bleeding, you're exhausted. Fresh water? You go up the steps. Ça donne sur un espèce, il y a comme une petite plaza juste avant le palais. Les lumières sont éclairées, c'est super beau. Il y a aussi des banderoles de couleurs partout. Il y a plein de petits confettis multicolores par terre. Il y a du party à voir ici aussi. Puis il y a une petite scène, quelqu'un qui a comme construit une petite scène en bois. Puis il y a du monde qui sont en train de faire un play dessus. T'sais, il y a comme une fille habillée en robe. Puis il y a un dude qui est habillé en jaune. Tu peux voir sa tête. C'est un type, they're all human. Beings, là. Y a-tu un party place à l'intérieur? Y a du monde qui sont assis, tu sais, comme sur des bancs en bois. Puis c'est pas super clair. Mais c'est quoi la scène? c'est une scène entre une femme qui a l'air, tu sais, bon, en tout cas, ils ont pas encore dit son nom, puis qui parle avec quelqu'un qu'elle s'adresse comme étant The Stranger. Puis le gars lui répond, puis ils ont l'air d'avoir une discussion sur. Qu'est-ce que la ville est en train de devenir? Est-ce que ça va devenir Carcosa? Ou c'est quoi Carcosa? Puis comme c'est juste près de la pièce qu'il connaît. Hein? Donne-moi du Unnatural. Oui. Non. It seems familiar. Yeah, it's probably a version of the King in Yellow. Mais comme ils ont l'air d'improviser un peu, tu sais. Ça n'a pas l'air d'être. Comme si c'était l'histoire qu'ils avaient vécu eux-mêmes. C'est ça, c'est pas des acteurs comme. Ils ont pas l'air d'être des acteurs professionnels. C'est plus comme du monde, juste qu'ils ont having a good time. Puis tu sais, il y a une crowd. Puis tout le monde a leur masque, mais comme sur leur tête, levé, tu sais. And they're just kind of chilling. OK. Puis on a-tu des facilités plus dans le palais? Non, ça a l'air d'être ça. C'est très calme, c'est très paisible. OK. Ben, moi, je vais m'asseoir. Ouais, pas trop. Je fais la même chose, puis pendant que j'écoute la fille d'une oreille distraite, je clean un peu l'eau de mes gommes. C'est ça, tu t'assois, t'es comme... OK? Je clean l'eau de mes gommes. Moi, je m'assois pas, j'enlève mon costume, j'enlève mon shit. J'ai fait ma cravate, j'enlève ma cravate, je garde mon masque. Genre, j'enlève ma chemise, je reste en pantalon, mais genre. Moi, je fais comme ça, par contre, il y a une. Il y a quelqu'un qui est en avant de vous, il y a une fille en avant de vous, tu sais, qui se penche, puis qui vous regarde, puis qui est comme, Are you enjoying yourself? Yes, very much. Yeah, yeah! Je crache plein de sang. Elle vous regarde, elle a l'air un peu. Are you okay? Are you gentlemen okay? We're gonna be fine. Je vais prendre du intelligence times 5 all around the table. Are you Abigail? Allez. Yep, that's Abigail Laura Wright. She's sitting just there. Okay, je sors mes menottes. You're coming with me. Elle est juste là. Elle est assise. Elle écoute le play. What is your name? Elle a son masque. Oh, elle a un masque sur sa tête. C'est une souris. Can we remove our masks? Is it okay now? No, yeah, it's fine. It looks like you've been through... Quite the ordeal. Yes, indeed, we have. And what is your name, the lady? Laura. Laura. Is that Abigail? Laura? Yes. Yeah. I prefer Laura. Honestly, it's okay. It's just it's Abigail was my mother's name, and I never really got along with her. So. Actually, looking for a girl named Laura. Well, okay. Do you know anybody else by that name? It's a very common name. That's a strange question. Yeah, that's her. It's definitely her. So how long have you been here, Laura? I don't know. I lost track of time, probably. It's fun around here, isn't it? It is. It's very quiet. It's relaxing. What's the play about? I'm not quite sure. It keeps changing. It's very interesting. How so? What do you mean? It's just the story keeps changing. It never really makes any sense, but it's just, you know, it's a nice way to relax. Does it have to make sense? I think is the question we should be asking ourselves. To refer to a stranger, though, pretty frequently. There was a stranger here in the city it's hard to say when it was. Some time ago, there was a stranger, and they just decided to put on a play. I mean, sometimes it mocks him, sometimes it reveres him. And sometimes it just goes on and on, and no, I think it's a very nice artistic pursuit. I mean, like I said, it doesn't really make any sense, but, you know, then again, what makes sense? Does your life make any sense? Most of the time, I'll take that as a no. Which got married. Okay. So, does anybody ever get out of this place, or...? Yeah, sure, of course. I mean, why would you want to get out? J'ai tellement fort que je t'adorerai pleurer. Okay. I mean... Just for curiosity. Yeah, sure. You see the path over there? Puis il y a comme un petit path, genre, tu sais, qui part de la plaza, puis qui s'en va comme dans un autre jardin. Puis you just take the path, and it just take you where you want to go. The path take you where you want to go. Yeah. Interesting. Or, I mean, sometimes it's where you need to go. But, I mean, what's the difference, really? Well, we want to go somewhere, but we might not need to be somewhere. Or... Well, that's quite the conundrum you're in. Yeah, you betcha. Especially if we're bringing back somebody who doesn't want to leave. I mean... Dis-je avec mon masque sur ma tête. Topless. Sans mes cuffs. Change mes cuffs. So yeah, you're watching the play. Ben, on va l'observer, mais évidemment, on observe le play de Laura. Je suis encore à zéro. Yes, you are. Okay. T'es fonctionnel, mais you're not gonna wrestle anyone to the ground. He does not look well to be what I had me, you know. Fait que là, il y a comme un... Tu sais, le play finit pas de s'en, mais il y a comme un entracte, puis le monde, il se lève, puis tu sais... Il y a du monde qui s'allume genre des tobacco pipes, puis il y a du monde qui s'en va, il y a du monde qui redescend vers le quai, puis dans le fond, tu sais, Laura se lève, puis tu sais, vous la reconnaissez physiquement, tu sais, c'est sa face, vous avez déjà vu une photo, mais elle est habillée un petit peu dans le même style que tout le monde, puis... Là, dans le fond, je l'arrête avant qu'elle s'en aille, puis j'essaie de la faire rester en lui jasant, genre de okay. Superman de la pièce, puis de... Genre, je sais pas, man, je suis pas chiffre. T'as-tu un skill que tu veux utiliser pour la garder occupée? Social skill, social art. Prostitution. Prostitution. Persuasion. Ben, moi, on pourrait rester justement, essayer de la jaser, là, comme où est-ce qu'elle vit, si elle fait des amis ici, genre. Yeah, she lives in the city. In the city itself. But I heard that you moved in the building. Yeah, I lived in the McAllister building for some time, and I moved off. I mean, that's how life is. You get some place, you become someone, then you move off, and you grow as a person. And when did you go to the rabbit hole? Was it... The rabbit hole? That's a very nice reference. That's Alison... Yeah, I read that book. That was good. You read that book? Yeah, I like that. I believe you. It's a pretty good book. It just seemed like the logical next step. And you're very happy here. I'm doing good. And how did you come to arrive here? I went on the upper floors. Then I found the smoking lounge. I met Mark. If you can get over his dripping racism, he's a kind of an okay guy. And then I met someone. I had a very nice time, and we moved in together. And then we moved to the city. And Mikhail? Who did you meet? I'm sorry? Who did you meet? Well, I guess you could say he's like my husband now. Is oh, what's his name? I mean, it's not really important. Did he follow you here? Oh, come on, humor me. I'm curious. His name is Robert. Robert? Yeah. Is Robert here with you? Oh, he's probably around. He was here before. Does he have follow you to the news? Does he have what? Yes, he does. He does. Yeah, he really likes his white shoes. I think they're horrible, but. But he followed you here, and you're happy. No, I came here with him. He showed me the way. He showed you the way. Yeah. So you followed him. Well, I wouldn't say follow. I came with him. I accompanied him. He did not come to the festivities with you. Yeah, he was. He was here a few minutes ago. He left. He's probably going to be back. I'm not too worried. We'll eventually find each other again. Well, I'm very happy for you, Laura. Well, thank you. Okay. It was nice meeting you. So what are you going to do now? I mean, tonight. Tonight, I'm getting kind of tired. I'll probably go to bed. Well, you seem like a very nice person, and we don't have a place to hang or to... As you can see by our... It's kind of crowded, and I can see how you're dressed and where you're coming from, and I can tell you that this place probably is not ready for you. Or at least you're not ready for it yet. I'm sorry? How come you were ready for it? I guess I was just more open to it. And I mean, I'm sure someday you'll come back. Everybody comes back. Do you ever think about your father anymore? No, not really. I've never really gotten along with my father. You don't think he's worried for you? No. You ever thought you'd go back to see him? Not really. I don't really miss him. He's kind of a dick. Yeah, but he loves you. Yeah, he's kind of a dick. Yeah, he kind of was. Well, Laura, we won't bother you anymore. No, it's quite okay. Not a problem. Like I said, you just take the pat, and it'll take you back. Wherever we want. And yeah, we'll probably do this wherever again. Would you mind me giving us a written letter to your father that we actually found you, that you're okay where you are? Where we need sure, to you can tell him I'm fine. Just tell him I'm okay. Yeah, would you mind giving it to me in writing? Yeah, sure. So that we actually have proof that we have met you and that you're fine where you are. You've not been kidnapped or anything. Not a problem at all. Because he was really worried you were kidnapped. And that's why we're actually on the case. Oh, that's kind of surprising, okay. But it's okay. Come see Dungeon's statue. My notes are really wet. Do you have some dry paper? Because I'm literally going to hang around here until I get dry, you know what I mean? Non, mais c'est le papier, genre, tout curvy, mais il est un petit peu sec. Puis elle écrit juste une petite note qui dit... Hi, Dad. Don't worry. I'm okay. Love, please Laura. Mention that... Three agents found. Okay. No, come. No. Forget. Freaking cares about that. Look, okay, Ali Kriya Singh, Apple done. It's very kind of you, Laura. Thank you for your cooperation. Okay, yeah, not a problem. This will probably put your father at ease and off our backs, and everybody's going to be okay. If he can find some peace, that's quite okay with me. Do you seriously believe he's going to... So, like I said, you gentlemen have a good night. It was very nice meeting you. He's never going to fall. I'm sure we'll do this again soon. Of course, Laura. Elle commence à s'en aller. Elle s'en va prendre un bateau. I don't want to go on a boat. Yeah, not again. I don't want to go back to there. C'est quoi la phobie du bateau? Boatophobia? Boatophobia. Juste les chaloupes. Fait que, vous êtes rendu tout seul. Il y a la petite scène qui est là. Tout le monde est comme... Tout le monde est parti. Il y a le petit pat à côté. Gonna go look at the palace first, or are we gonna go to the path directly to go where we let's blow something up. I've got 2 kilograms of C4. Let's blow something up and then let's take the path. Yeah, good idea sometimes. See? See? He likes it. Let's blow something up. Je commence à mettre ma chemise. You sure you want to do that? You sure you want to attract attention? Je remets ma cravate. At this point, I'm not even sure if I'm alive. Je remets mon vaisseau. Are we dreaming right now? I don't know, see? Man. Je remets mon masque. At this point, I'm not even sure of anything. That's supposed to. I'm starting to shoot myself with some of my wares. Well, fellas, là, moi, je suis rendu habillé. Je suis plus torse nu, genre. Je suis pas torse nu. Je fais genre. Ben, moi, je me suis enlevé mes mains pour les sécher. Puis je dormais. Je fais genre. We don't want to see. Shall we get ass? The fuck out of here? Yeah, I kind of want to sleep first. I think, as you can see, I'm barely standing. I think Laura's pretty happy where she is, so she wouldn't be happy if we yanked her from this world and brought her to the back of the world. Yeah, plus her father's a dick. Yeah, she is a dick. Je l'avais jamais rencontré, but just, we'll just take her word for it, he's a dick. Fuck it. Fuck this place, fuck Laura, fuck everything. Oh, he always sounded like it. Chris, on a perdu combien de sentimentales qu'on a commencé ça, Carlis, là? I'm gonna go with a lot. As for me, it's 18. J'ai commencé à 54. Are you... J'suis à 41, là. Are you taking the path? Ah, non, tu comprends pas, ouais. Moi, je suis rendu à 23. Elle se demande tout le temps. Là, je suis rendu à 23. Moi, je m'en vais vers Finley. Je lui dis, buddy, if we rest, we gotta rest at the end of the path. We don't rest over here. Well, we rest can like I walk? 4 hours. Yeah, sure. I can walk. Yeah, well, if he helps you a little bit. You're oh, okay, so I hang around him. Yeah, okay. Les deux chaque fois. If you brought me up, I'll walk beside you. Prenez une patte, ça vous mène dans un... Un espèce, t'sais, des espèces de hedge maze. Mm-hmm. Ça ressemble à ça, puis il y a un arche avec une porte. You go through the door. Il y a pas d'autre chemin que par la porte. Ça ressemble au labyrinthe. You open the door, you go through the door. Open the door, go through the door. Il y a des escaliers qui descendent. Des escaliers comme avec du carpet genre vert. Vert? Oh, we go down to the sixth floor again? Probably. Let's sure. go. Go down to the smoking lounge. Vous êtes, well, it looks, yeah, it looks like the third floor from the McAllister building. The third floor? Yeah. So we're back to our world, not the other freakish thingy on the sixth floor. Are parce you? Que, non, c'est parce que l'autre, l'autre, c'est ton expression. Are you? C'était pas la même architecture, l'autre. Ouais. C'est clairement, là, c'est it looks like, yeah, it looks like the third floor from the McAllister building. Montre toi. Fais-tu jour dehors? I mean, you close the door and you go back? Or yeah. You just turn around? Ah, c'est la porte qui menait sur le toit? Yeah. On sort par la porte qui menait sur le toit. Yeah, we don't want to go to the back of the play. Moi, je ferme la porte. Ouais. Ferme la porte, rouge la porte. Rouvre la porte. C'est le toit du McAllister building. Oh, oh my God. Oh, God. Sweet Jesus, mother. We're back! What a freaking nightmare that was. Je te dis, tch, tch. Now they're gonna think we're crazy if we talk about this shit. We're back. Dude, we are crazy. And might as well. Let's go back to your place. Okay, but let's blow the building. Vous sortez dehors. There's people living here, man. Calm down with your damn. Vous sortez dehors, puis c'est la nuit à l'extérieur, and they're not killing anyone. Wait, is that? Is that the? No, that's the moon. Yeah, the moon is pretty big, and it's it's kind of greenish. That's interesting. Oh well, you should probably go back to Finley's place. Are you kidding me? And credit rolls. Fait que ça c'était night. Fait que ça c'était night floors. Oh. The moon is greenish and big. Yeah. Are you back? Maybe.